disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 18. Avant de commencer l'émission, je procède au rappel traditionnel. Premièrement, vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com, je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Bruns, eelb.su. Grâce à ce forum, vous pouvez commenter les articles qui paraissent sur démocratie participative, participer aux différentes sous-sections du forum, notamment sur l'informatique, les crypto-monnaies, l'actualité en général. Il y a aussi le guide racial des villes que j'apprécie particulièrement, qui est toujours utile. Cette semaine, notamment, j'en remercie d'ailleurs, je crois que c'était Blancos qui avait publié ça, dans la région de Marseille. Il a dûment et précisément documenté la localisation d'un point de deal non loin de la Castellane. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui sont intéressantes à savoir. Voilà, le guide racial des villes, toujours sympathique à consulter. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum. Alors maintenant, je vais présenter les membres de la semaine qui nous font le plaisir d'être avec nous. Je commence sans transition aucune avec Fulbert. Salut Fulbert, j'espère que tu vas bien. Fulbert va bien, merci Gandalf. Bonjour à toi et bonjour à tous. Est également avec nous Alexis. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Cette semaine, comme toutes les semaines, Pierrot nous rejoint également. Salut Pierrot. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Poporovitch nous fait le plaisir aussi cette semaine d'être avec nous. Salut Poro. Salut Gandalf, bonjour à tous, content d'être là. Et enfin, est avec nous aussi cette semaine Diabolix. Salut Diabolix. Salut à tous. Alors messieurs, avant de commencer l'émission, je vais remercier les donateurs qui sont au nombre de deux. Avant ça, je remercie bien évidemment, comme d'habitude, les donateurs qui nous soutiennent anonymement, qui ne se manifestent pas, qui ne nous écrivent pas de courrier pour se manifester. Merci de nous soutenir grâce à Monero, puisque c'est la crypto-monnaie, comme vous le savez, que nous utilisons. Elle garantit l'anonymat de ceux qui veulent nous soutenir. C'est toujours utile en cette période de surveillance généralisée et de répression généralisée, mais au-delà de ça, n'hésitez pas à maîtriser cet outil pour d'autres applications. Je crois que ça pourra être mis à profit dans les années qui viennent. Alors, premier don, c'est un donateur régulier, en fait c'est un mécène, c'est Fantôme. Salut Fantôme. Bonjour chers animateurs de l'émission, je viens de faire un don de 1,04 Monero. Pourquoi? Parce que j'ai confiance dans le fait que votre œuvre survivra pour l'éternité. C'est ambitieux, mais pourquoi pas avoir d'ambition? On ne doit pas se laisser décourager par le fait que la majorité des Français rejettent et rejetteront toujours nos idées. Nos idées sont vraies et c'est une raison pour laquelle notre cause arienne va briller pour l'éternité. Oui, alors ça, je rebondis un petit peu sur ce commentaire. Merci à toi, Fantôme, déjà de nous soutenir. L'opinion de la masse, vous savez, ça ne vaut rien. Faut pas se laisser impressionner par les courants d'opinion. À un instant T, l'opinion se retourne comme une crêpe au gré des événements. Il ne faut pas du tout croire que c'est figé pour tout le temps. Je pourrais élaborer là-dessus, mais bon, je ne le ferai pas maintenant, mais faut pas se laisser intimider par ça. Il faut rester droit dans ses bottes, il faut continuer à avancer en martelant ce qu'on croit être juste sur la base des faits, et tôt ou tard, quand la vérité fait son œuvre, en fait, les gens sont bien obligés de la reconnaître. Hein. Donc ici, on parle très essentiellement de démographie, hein. C'est quand même le fond du sujet, et si les gens s'aveuglent, ils ne pourront pas tout le temps s'aveugler. Donc voilà, il ne faut pas trop se laisser impressionner par ça, donc je rejoins disons, l'idée de ne pas être découragé, mais il ne faut pas se dire que c'est définitif. Alors, don numéro 2, c'est Ferdinand, merci à lui, bonjour à toute l'équipe de Démocratie Participative, comme promis, mon don, dans mon email du mois dernier, je vous informe de mon don mensuel de 0,10 monero. Voilà, dans la mesure du possible, je serai très honoré d'être cité comme donateur dans le podcast hebdomadaire. Cordialement, et c'est Ferdinand. Mais merci Ferdinand, c'est fait, c'est normal. Ça fait toujours plaisir de citer ceux qui nous soutiennent. Alors messieurs, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Courrier très intéressant, puisque ça nous vient d'une jeune femme qui est de la police. Vous allez voir, c'est très circonstancié. Moi, j'ai appris pas mal de choses. Je vous lis ça tout de suite. Alors, c'est signé par Petite Française, tout simplement. Petite Française vous écrit ce message. « Bonjour à tous, messieurs les grands. » Entre parenthèses, 10 heures de vérité. « J'ai découvert votre émission il y a seulement quelques mois et en suis d'ailleurs fort déçu de ne l'avoir pas connue avant. Vous m'apprenez chaque semaine de plus en plus de choses que j'avais déjà plus ou moins comprises sans pour autant tout connecter. » Les médias étant biaisés, il est difficile aujourd'hui de trouver la vérité sur Internet si on ne sait pas comment bien chercher. Et pour cela, grand merci à tous. Je voudrais aujourd'hui apporter ma petite graine à l'édifice en vous faisant part de ma propre expérience de ce qu'est la France et la bureaucratie actuelle, en espérant ne pas être trop longue. Mon premier choc est survenu en 2013, date à laquelle, après un master multimédia avorté, dans une école privée frauduleuse, dont je tairai le nom, j'entre en police ferroviaire. J'avais alors 24 ans. J'officiais dans une grande gare parisienne en équipe cynophile sur des périodes de 18h-6h, donc la nuit, quoi. Ma première observation a été le nombre impressionnant d'interventions que j'avais à faire la nuit, entre l'escorte des agents SNCF féminins, l'accompagnement des chefs de gare et la surveillance au départ et à l'arrivée des TGV pour Marseille et Zurich, le métier de policier avait toujours été quelque chose de fort en moi. On pouvait dire que j'avais la vocation. Mais voilà que je suis confronté à une réalité parallèle. Moi qui pensais être là et effectuer un véritable travail de protection, que nenni, je m'explique. Il y avait toujours deux petits groupes de Turcs officiant en parallèle, chacun sur des créneaux horaires et des halls différents, s'affairant à dépouiller les voyageurs de diverses façons. Je ne pouvais pas être partout, alors je me limitais aux destinations les plus plébiscitées. Ils agissaient par ruse, en période de fortes affluences et armés, la nuit, sur des pauvres malheureux qui auraient attendu l'ouverture de la gare sur le parvis, comme cela arrivait souvent. Tous les individus que j'avais interpellés, je dis bien tous, était relâché la nuit suivante. J'en faisais le constat avec mes collègues de la police nationale. Nous avions l'impression de travailler dans le vent. Il existe aussi une caste d'individus bien plus dangereuse encore, les malades mentaux. Je ne compte plus les fous échappés de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne qui nous attaquaient à l'arme blanche pendant mes rondes de nuit. Ces personnes-là étaient suivies et soignées aux frais de l'État, mais laissées en liberté. Une folie. Il y aurait encore mille choses à raconter, mais je m'arrêterai là pour cette partie. C'est pendant cette période que j'ai rencontré mon actuel ex-mari, policier travaillant sur le secteur à ce moment-là. Il est devenu mon support et une aide précieuse pendant les 2 années durant lesquelles nous avons travaillé ensemble. Ne pouvant plus compter sur mes collègues, j'œuvrais souvent seul sur des interventions dangereuses. Pillage de bars TGV, agression d'agents de nuit, etc. En parlant de mes collègues, j'avais à mon actif une équipe qui tournait de 8 agents, dont 5 étaient des Africains descendus directement d'un arbre et amenés ici en charter. Ils étaient laids, puants, pachydermiques et surtout ô combien stupides. Je me suis battu avec eux pour me faire obéir. Ils ne foutaient rien et ne voulaient rien faire. Ils restaient dans le local pendant les vacations. J'avais fait remonter ce problème souvent à la direction, jusqu'à même tenir un siège avec d'autres collègues dans le bureau de notre directeur régional. Rien n'avait bougé. Inutile d'en parler à mon supérieur direct, puisqu'ils venaient tous du même village. Donc, je devais affronter les pires humiliations de leur part, qu'elles soient verbales ou autres. Un jour, j'ai retrouvé une énorme déjection à côté de la cuvette de nos WC et des traces étalées sur le mur. Ah, ça fait le lien avec l'hôtel suisse, si vous en rappelez, suisse ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous en rappelez. De leurs propres aveux, ils ne savaient pas se servir des cabinets. Étant tombée enceinte, j'ai fini par démissionner après mon congé maternité. N'étant plus là pour tenir les rênes de cette équipe en mon absence, l'on avait nommé un de leurs semblables chef d'équipe pour me remplacer. Mon retour n'a donc pas été très apprécié. Las de subir et de ne se sentir soutenu par aucune institution, j'ai fini par abandonner. Mon ex-mari a été muté dans un commissariat de banlieue et nous avons repris notre petite vie. Je le croyais plus au calme, sauf que mon ex-mari était très engagé à, on va dire dans un syndicat, je ne vais pas trop le préciser, et en faisait baver des ronds de chapeau à ses supérieurs, notamment ses commandants de brigade, en dénonçant des abus sur des sanctions. Autant dire qu'il a tout de suite été pris en grippe par son nouveau commandant, prévenu sans nul doute par l'ancien, et le harcèlement a vite commencé. Chef d'équipage, il s'était vu affublé de la petite ADS beurette de service, bonne chienne du commandant, qui lui rapportait tous ses gestes, ses conversations téléphoniques, etc. J'étais inscrite à l'époque pour passer le concours de gardien de la paix. Peu de temps avant mon entretien final avec le jury, la dernière étape du concours, j'ai reçu plusieurs coups de téléphone anonymes me disant que si mon mari ne se calmait pas, il travaillait sur un sujet très très, très chaud, me dit-il, dit notre auditrice, je pouvais dire au revoir définitivement à toute candidature actuelle et future dans la fonction publique. Je tiens à souligner que ce commandant-ci était aussi franc-maçon et représentant régional Île-de-France dans cette secte. Les appels venaient de lui, bien sûr, mais impossible de prouver quoi que ce soit. Mais mon ex-mari étant un entêté, je savais qu'il ne lâcherait pas le morceau, et quand bien même nous étions déjà fichés. Je ne lui avais pas parlé des menaces que j'avais reçues à ce moment-là, ne voulant pas l'accabler davantage. Vous vous doutez donc que mon oral ne s'est pas bien passé, et même si j'avais mis tout mon petit cœur et ma sincère dévotion, la réponse était non. Non, on n'aime pas les fortes têtes en police nationale, les gens qui pensent par eux-mêmes, qui ont une idéologie, ou qui ont une véritable vocation. Ça, c'est pour le cinéma ou la littérature. Pendant cette période, mon ex-mari s'est plongé dans l'alcool, la clope et quelques anabolisants et autres drogues, puis il a fini par quitter le commissariat pour partir en CRS. Ma mère, qui travaillait à ce moment-là au ministère de l'Intérieur, s'était vue, elle aussi, avertie de ne pas me laisser garder de contact avec ses collègues, chose qu'elle a très mal vécue. Aujourd'hui, brûle toujours en moi cette envie de porter l'uniforme, mais compte tenu de la pourriture qui infecte les institutions, j'ai définitivement abandonné cette idée. Veuillez excuser la longueur du courrier. Sincèrement, je pourrais en faire un roman, tant j'ai vécu et vu de choses improbables et révoltantes, mais je m'en tiendrai là. Continuez vos émissions, ne lâchons rien, force et honneur, la bise à tous. Donc c'est signé une petite Française. Je remercie une petite Française pour ce témoignage. Très intéressant. Donc quelqu'un qui a la vocation, commence dans une équipe donc cynophile dans les gares, et ensuite qui essaye de passer dans la police, mais pour des raisons purement politiques, parce qu'en fait... son compagnon du moment est quelqu'un d'assez droit dans ses bottes, eh bien, on le casse, en fait, et on casse non seulement le mari, mais elle aussi. Voilà. Et donc, écœuré par l'état d'esprit qui prévaut, on va dire, dans les échelons supérieurs de l'institution policière, elle a décidé de claquer la porte. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous voudriez dire sur ce témoignage? Il y a pas mal de choses, en fait. Il y a les deux parties, quoi. Première partie dans la gare, avec le personnel, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, c'est une totalité, je crois qu'il ne manque pas grand-chose. On a les nègres recrutés qui sont totalement inaptes au travail, qui ne branlent rien. On a les réseautages des francs-maçons pour casser les gens qui ne filent pas droit. C'est un tableau assez fidèle de la police aujourd'hui. Oui, il y a aussi la petite beurette de service. Bon, il manque plus que la beurette de service qui file des fichiers à ses copains islamistes, et on a un tableau assez fidèle de la police en 2021. L'arabe qui trahit, tiens, pour changer. Effectivement, il y a des... Il y a des constantes. Et c'est souvent le cas dans les officiers supérieurs de la police nationale. Ça dépend l'échelon. Mais on va dire qu'il y a un plafond de verre, quoi. Les gens qui accèdent au stade de commissaire, ou plus, on peut se douter qu'ils sont vraiment, vraiment dans le système, qu'ils sont francs-maçons. Ils sont recrutés comme ça aussi, de toute façon. Hein. C'est parce qu'on sait que c'est des gens qui vont faire pas de vagues, qui vont pas faire de vagues, pardon. Bien qu'il y ait plusieurs types de commissaires, il y a aussi des grades dans les commissaires. Généralement, ceux qui ont les meilleurs grades, qui dépassent le premier échelon, là, on est vraiment certains qu'ils sont mouillés. Ils ont des grades maçonniques, tu veux dire. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Même dans des fois, il y a des reportages qui tournent un peu sur YouTube où on voit des officiers de la police nationale qui affichent des drapeaux Antifa, par exemple. Ouais. On dit, tiens, c'est curieux. Alors, je crois que c'était un capitaine, pour le coup, dans le fameux reportage en question. Donc, c'est un grade pas très élevé dans la hiérarchie, mais dans les officiers, oui, ça va, c'est assez confortable. C'est intéressant quand elle dit que les fortes têtes, du coup, ne sont pas retenues dans le corps. En fait, ils sont recrutés comme ça, les policiers, justement, parce qu'on veut des gens qui ne veulent pas de vagues. On veut des gens qui soient très légalistes et qui ferment leur gueule. C'est aussi un peu le cas dans l'armée. Et du coup, bah, les nègres, c'est le top, quoi. Les nègres, ce n'est pas des gens qui vont sacrifier leur vie et leur carrière pour une conviction. C'est des gens qui vont à la gamelle et qui vont se taire. Ouais. Quelqu'un d'autre ? Y a un point qui m'intéresse, c'est là on bifurque un petit peu, mais on parlait la semaine dernière, en la présence du cardinal, d'Éric, du fait qu'il n'y avait pas de place de prison en France, qu'en fait c'était une impasse même de réclamer davantage de peines de prison, de places de prison, pardonnez-moi, en raison du fait qu'on a affaire à une immigration, le mot massive n'est même plus suffisant, je veux dire, on a affaire, hein, j'ai dit sur la... C'était même cité par Brice Hortefeux, hein, je veux dire, le collaborateur de Nicolas Sarkozy récemment, donc ancien ministre de l'Intérieur. Donc, Dieu sait si c'était pas un illuminé ni un extrémiste, qui disait que, grosso modo, sous la mandature Macron 2017-2022, on aura à peu près reçu 2 millions d'extra-européens supplémentaires par les vannes de l'immigration. Donc, on en est à 2 millions en 5 ans. Donc, vous imaginez toutes ces populations qui arrivent, qui continuent d'arriver, et parmi lesquels on sait que pour des raisons de consanguinité et autres, il y a énormément de cas psychiatriques. Et évidemment, l'institution psychiatrique française, à l'origine, a été pensée pour s'occuper de populations européennes, occidentales, avec des problèmes tout à fait particuliers et en nombre limité. C'est-à-dire que l'institution psychiatrique a été conçue pour gérer un stock européen. Or, en raison de l'ouverture totale des frontières, du démantèlement des frontières, et c'est pas uniquement la frontière sud avec l'Italie, hein, c'est parce que l'essentiel de l'immigration arrive par avion à Roissy-Charles de Gaulle, hein, l'institution psychiatrique doit maintenant gérer des flux. Ce qui est complètement différent, parce qu'il n'y a pas du tout les capacités d'accueil pour accepter ces populations, et les types de problèmes n'ont absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Et c'est pour ça que c'est très fréquent, vous savez, on parle souvent de déséquilibré, mais et on en rigole quand il y a, vous savez, quand il y a un attentat djihadiste, il y a un type qui hurle à la Akbar, il attaque quelqu'un avec un couteau, puis on vous dit oui, mais il était déséquilibré. Et c'est une façon dont qu'ont les médias d'essayer un petit peu de botter en touche, de dire ouais, mais en fait, il n'était pas vraiment maître de ses intentions, faut pas extrapoler excessivement. Et évidemment, on tourne ça en dérision, on a raison. Ceci étant dit, il est vrai que beaucoup de ces gens, de ces islamistes, sont aussi des gens qui ont des problèmes psychiatriques au sens occidental du terme. Ça, c'est une réalité, quoi. Ce que nous dit ce témoignage, c'est qu'en fait, bon, c'est pas un scoop, mais c'est bien, parce que là, on a un témoin oculaire, hein, qui nous le dit, dans le cadre de son travail, qui nous dit, bah voilà, les fous sont en circulation. Les fous sont en circulation. Les types ont des armes blanches, ils se baladent, ils sont complètement tarés, ils rôdent la nuit autour des gares et ils sautent sur le premier passant qui arrive pour essayer de l'égorger, quoi. Et quand finalement il y en a un qui réussit, bah, dans la presse, bah, c'est la faute à pas de chance. Bah, ah ouais, c'est con, il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. On est vraiment désolé, c'est terrible. Sauf que Sauf que ce type d'excuse, évidemment, ne satisfera jamais les proches, pour ne pas parler de la victime. Vous voyez, mais le système s'en lave totalement les mains. Le gouvernement s'en lave les mains, les autorités s'en lavent les mains, puisque les autorités créent les conditions pour que ça se produise. Voilà. Donc là, on a un problème, parce que le sentiment qu'on a face à ça, enfin moi que j'ai face à ça, c'est vraiment qu'il y a la notion même d'État est remise en cause. Je ne crois pas qu'on puisse encore parler totalement d'État dans une situation pareille, parce qu'au bout d'un moment, l'État est quand même censé maîtriser l'espace qu'il administre. Or, ce qui transparaît de plus en plus, c'est que l'État ne maîtrise plus, en raison du démantèlement des frontières, précisément. C'est parce qu'il y a un flux permanent, ingérable, et il y a une démission des autorités. Voilà, donc ce point-là m'a beaucoup intéressé. J'ai trouvé ça très révélateur, d'autant plus révélateur que, comme ils sont fous, par définition, ces gens sont imprévisibles. Contrairement à un criminel qu'on peut essayer de dissuader, la plupart du temps sans succès, puisque, comme l'explique notre auditrice, eux aussi sont constamment relâchés, donc pour des raisons de place, tout simplement. Hein. Les policiers se demandent, ouais, mais les juges, qu'est-ce qu'ils font? C'est mal posé la question. Évidemment, il y a les juges rouges qui sont militants, qui veulent, comment dirais-je, libérer un maximum de crapules au nom d'une idéologie qui tend à exonérer par principe le criminel. Avec des explications à caractère social, ouais, vous connaissez l'histoire. Mais il y a aussi un problème très simple, et ça rejoint ce qu'on disait donc la semaine dernière, que je disais un petit peu avant, c'est que vous n'avez pas de place en prison. Donc si un magistrat se mettait à être dur et à appliquer le droit et à prononcer des verdicts sévères, c'est très simple. C'est la pénitentiaire qui passerait des coups de téléphone pour se plaindre du magistrat. En disant que ce type-là, en 3 mois, si on le laisse agir pendant 3 mois, il va remplir la maison d'arrêt et ça va déborder. Quoi. Voilà. Donc, ce que peut-être les policiers ne réalisent pas totalement. Ils se disent, voilà, il y a un travail de sabotage, etc. Moi, je pense que c'est d'abord et avant tout un travail de place. Et même, je crois, parce que j'ai vu ça... Ah, nous avons... Vas-y, vas-y. Je t'interromps. Nous avons un député français qui a demandé à appliquer la méthode qui se pratique aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, si tu atterris en tôle, tu payes ta cellule, tu payes ton ménage, tu payes ta bouffe. Donc, les gars sont obligés de travailler et si jamais ils refusent de le faire, on saisit la famille. Ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment ça qui coûte le plus cher à l'État. Je crois que c'est surtout un manque de place. Le travail de ces gens-là, c'est forcément du travail sous-qualifié. Mais bon, effectivement, c'est toujours ça de prix. Hein. Un taulard, c'est 100 euros par jour que tu payes, que je paye, que nous payons tous. Donc, si déjà on sait éliminer ce genre de problème, ils l'ont fait aux Pays-Bas. Ça a, complètement vidé les prisons parce que comme dès que tu parles à des taulards du mot travail, ils deviennent malades, ils ont des cloques qui arrivent au niveau de la peau, de l'eczéma, des réactions bizarroïdes. Le mot travail est quelque chose qu'ils ne savent pas comprendre. Donc, ça a vidé les prisons à un point tel qu'en ce moment, les Hollandais louent leurs prisons aux Belges. Perso, moi, les Arabes, je les préfère en prison hein, que dehors. Mais bon, ça, c'est un choix personnel. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a Xavier Bertrand, futur candidat à l'élection présidentielle pour la droite molle, qui a annoncé qu'il voulait abaisser la responsabilité pénale à l'âge de 15 ans. Donc, ça ferait en gros plus de bougnoules dans les cités, là, à mettre en tôle. Bon. Qu'on ne mettra pas en prison parce qu'il n'y a pas de place. Voilà, moi, je pense qu'il serait bien au bled. Hein. Mais voilà, non, mais c'est ça. Alors, la semaine dernière, Derek avait évoqué le coût d'une cellule à construire. Comment est-ce que ça... Alors, on en a discuté, il m'a envoyé des chiffres. Pour être très précis, ça coûte à peu près 250 000 euros la construction d'une cellule, en moyenne. Donc, c'est le prix d'un pavillon, d'un bon standing, quoi. Donc, vous imaginez qu'une famille française va mettre 20 ou 25 ans à rembourser. Donc, c'est ce que ça coûte, une cellule. Donc, vous comprenez bien que... Et encore une fois, on a affaire à des flux, pas un stock. Donc, créer 20 000 places de prison supplémentaires, faites le calcul, c'est absolument faramineux en termes d'argent, de ce que ça coûte aux contribuables, et ça ne résout absolument rien. Ça ne résout absolument rien, hein, en raison des volumes dont on parle. Donc non, on en revient au point de départ enfin, de nos solutions, c'est-à-dire que tant qu'on n'inverse pas les flux migratoires, on ne résoudra aucun de ces problèmes, pas plus les problèmes de terrorisme que de violence endémique, que d'émeutes raciales à répétition, que d'attaques de policiers, etc. Ça n'arrêtera jamais. En fait, on fait ça. Ce que je vois, là en ce moment, on en parle beaucoup. Le thème est très sécuritaire entre, je veux dire, les attaques au couteau, les attaques de flics au mortier. Maintenant, c'est devenu. Je veux dire, les émeutes, maintenant, c'est tous les jours. Tous les jours en France, il y a des émeutes raciales, quoi. C'est devenu vraiment la norme. Avant, vous savez, il fallait vraiment qu'il y en ait une où ça barde tous les mois pour qu'on en parle, quoi. Ça y est, maintenant, c'est tous les jours. Vous regardez les villes, souvent même, c'est des petits bleds, même maintenant. Hein. C'est des villes de, je sais pas, 40 000 habitants, même dans des départements ruraux. Bon, c'est pas des attaques à la Kalachnikov, bien sûr, hein, c'est du mortier, ces trucs. Mais bon. Et en fait, vous voyez que les politiciens sont en train de s'agiter, chacun avec sa mesure choc. Effectivement, Xavier Bertrand, puisque tu le cites, puisqu'il est candidat à la candidature, hein, pour 2022, a évoqué aussi, il voulait multiplier par 3 le nombre de places en centre fermé pour les adolescents, essentiellement, hein, issus de l'immigration, bien sûr. Encore une fois, on cherche à pousser les murs et ça ne résout rien. Donc ces politiciens, si vous voulez, vont. En plus, c'est pas leur pognon, je veux dire. Vous voyez, ils disent il faut construire, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est pas leur pognon. C'est le pognon du contribuable. Et puis ils le savent, de toute façon, tout est bouché, en fait. Hein. Bien sûr. Donc ce n'est pas une solution. D'accord. Ils font semblant de. Voilà, ça leur permet d'adopter une espèce de posture médiatique un petit peu autoritaire, pas trop radicale, mais un petit peu autoritaire, pour essayer de rassurer Madame Michu, lui dire voilà, je suis l'homme de la situation, avec moi. Le calme va régner dans les rues, et on sait que c'est faux. Parce que, encore une fois, il faut venir aux causes du problème et pas à ses conséquences. Donc il faut parler de remigration. Je m'empresse de souligner que le Rassemblement National ne parle plus d'inverser les flux migratoires, de renvoyer les immigrés chez eux, en tout cas une large portion d'entre eux. Alors je sais que c'est un parti qui va aux élections, etc., il a une stratégie de dédiabolisation, mais on peut quand même expliquer que non seulement il faut stopper l'immigration, mais en plus il faut inverser ces flux migratoires. C'est audible, je crois. Bon, on n'en parle pas. Marine Le Pen parle, je crois, d'avoir un solde migratoire neutre, ce qui en soi est largement insuffisant. J'en ai parlé aussi la semaine dernière. Le solde migratoire en 2018, c'était 350 000 entrées définitives venant des autres régions du monde en France, et une perte nette de 155 000 Français de souche. Donc en 2018, on a perdu 155 000 Français de souche qui ont définitivement quitté la France, et on en a gagné définitivement, entre guillemets, 350 000 extra-européens. Donc c'est plus d'un pour deux. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Donc non, avoir un solde migratoire neutre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. Il faut véritablement inverser les flux migratoires. Enfin, il faudrait inverser les flux migratoires. Bon, on voit bien que c'est même pas abordé. Vous imaginez, en 2021, dans la situation que traverse la France, c'est même pas abordé. Enfin, il y a bien des gens qui parlent de remigration, d'accord, bien sûr, sur Internet, ça, mais pas dans la sphère politique. Pas dans la sphère politique. Je vois pas de parti qui se présente aux élections, voilà, qui dit voilà, il faut organiser la remigration. Alors. Toujours dans son témoignage, oui, alors, vous savez, il y a l'idée, il faut être solidaire de la police. Et comme si c'était un bloc, comme si c'était monolithique. Et je crois que là, c'est intéressant aussi ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, en fait, attention, il ne faut pas se tromper, la hiérarchie est hautement politisée. Et pas pour le meilleur. Donc, elle est politisée et elle casse, en fait, les flics qui voudraient faire un boulot leur boulot beaucoup plus agressivement, dans le bon sens du terme. Et à la place, comme tu l'as bien dit, Pierrot, on coopte, on fait monter des gens qui sont politiquement malléables, c'est-à-dire des gens qui obéissent et ne discutent pas ce qu'on leur dit de faire. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un très gros problème, parce que au bout d'un moment, le niveau baisse drastiquement. Quand vous, quand la qualité que vous choisissez, enfin, quand le critère de recrutement est l'obséquiosité, la servilité, et non pas le courage, l'audace et la détermination, bah, au bout d'un moment, vous avez une police qui est façonnée par la servilité. Voilà, donc, et vous voyez que je pense que là, un peu comme dans la société d'ailleurs, je pense que le fossé va grandissant entre la hiérarchie policière centrale et le flic de terrain, qui je pense, se sent de moins en moins soutenu par sa hiérarchie, je pense. Parce qu'on leur dit de tout faire, le contraire, vous comprenez, on leur dit, allez, il faut courir derrière les Français pour leur foutre des amendes, etc. Bon, les mecs le font. Après, ils se font égorger par des islamistes, etc. Bon, ils disent, ça y est, c'est bon, on va pouvoir taper sur les islamistes. En fait, ils apprennent que non, parce que en fait, il y a des considérations électorales, voilà, donc il ne faut pas trop taper, etc. Voilà, donc, c'est, ouais. Est-ce que vous voulez rajouter là-dessus, quelque chose sur ce témoignage? Oui. Vas-y. Moi, en fait, cette brave dame nous indique, hein, sincèrement, je pourrais en faire un roman tant j'ai vécu et vu de choses improbables et révoltantes. Ben, je me permets de lui donner un conseil. Faites-en un roman. Parce que il est très clair qu'à l'heure actuelle, nous avons principalement dans les domaines de la police nationale des syndicalistes de gauche qui font des romans, une fois qu'ils se sont barrés de la police, mais on n'a jamais personne de droite. C'est le moment, effectivement, de, comment dire, d'écrire ce que vous avez vu et de le publier. C'est clair que ça aura du succès. Et alors, une dernière chose concernant les, comment dire, les fous et les malades, j'aurais tendance à dire que je comprends pourquoi il y a chez les migrants tant de fous et de malades. C'est parce que le système de l'hôpital Sainte-Anne est extrêmement mal foutu. Qu'est-ce que vous avez à l'hôpital Sainte-Anne? Des psychiatres. Mais un nègre ne va jamais voir un psychiatre. Un nègre va voir le marabout. Mettez des marabouts à l'hôpital Sainte-Anne et on pourra résoudre tous ces problèmes. Oui, et ils se précipiteront là-bas, effectivement. Ouais. Non, mais bon, c'est tous ces tabous qui sont jamais discutés, notamment en psychiatrie. On a parlé du docteur Porot très souvent. Enfin, c'était un auditeur qui nous a fait, faisait qui avait un cursus scientifique et qui nous avait parlé de ce docteur-là, qui déjà dans les années 20, les années 30, avait parlé justement de la dimension raciale, ethnique de la criminalité en France. Hein, tout spécialement du Maghreb et des Algériens, quoi. Hein, donc il avait déjà bien cerné, j'allais dire, les déterminismes raciaux de la criminalité. Déjà, il y a un siècle. Donc tout ça devrait aujourd'hui servir de guide à toute politique publique. Je veux dire, toute politique publique aujourd'hui en France devrait être pensée en termes raciaux. Et c'est le grand interdit. Moi, c'est ça qui me frappe. Donc, au XXe siècle, le grand tabou, c'était le sexe. C'était le grand interdit. Et au XXIe siècle, en Occident, le grand tabou, c'est la race. C'est le sujet dont on ne peut pas parler. Tout le monde tourne autour. Tout le monde tourne autour pour dire qu'il ne faut pas en parler. C'est très marrant. Et celui qui ose en parler reçoit la foudre. C'est très drôle. Donc, tous les débats, sans aucune exception, tournent autour de la question raciale. Absolument tous, que ce soit dans l'éducation, la sécurité, le terrorisme, l'endettement public, vous pouvez tout faire, ça tourne toujours indirectement autour de ce thème, et on ne peut pas en parler en termes clairs et précis, avec les bons mots. Donc, le principal, le mot race. Officiellement, les races n'existent pas en France. Hein. Officiellement, hein, bon. Voilà. Alors, et quand on commence à en prendre conscience, quand on commence à intégrer le fait qu'il y a des différentiels entre les races, au niveau du QI, au niveau psychiatrique, dans les comportements sociaux, les codes culturels, que c'est déterminant, là, on commence à comprendre les dynamiques dans la société. Alors que si on part du fait que les races n'existent pas, qu'il n'y a pas de déterminisme génétique ou biologique, ben, à ce moment-là, on tourne en rond. On croit qu'il faut faire du social, que ça va résoudre, qu'en claquant le pognon des contribuables blancs, les problèmes vont se résorber. C'est ce qu'on fait depuis 50 ans en France. Hein. Et ça s'aggrave, d'année en année. Quoi. bien sûr. Bah, en tout cas, merci à notre auditrice de nous avoir partagé son expérience. Et moi, je rejoins le propos de Diabolix. Hein. Écrivez-en un roman. Écrivez-en effectivement un roman. Parce que les membres de la police s'y retrouveront. Déjà, ils le partageront entre eux, c'est presque sûr. Et il faut des catalyseurs comme ça, et c'est vrai qu'un roman de ce genre pourrait être un catalyseur. Alors après, il faut avoir la patience, il faut avoir l'inspiration, il faut savoir aussi comment le mettre en forme. Mais oui, ça pourrait être un roman peut-être à la première personne. Voilà, enfin, il y a quelque chose à faire, à mon avis. Ouais. Quelque chose à faire. Alors, messieurs. Et excuse-moi, ouais. Une chose est certaine. C'est que cette jeune femme qui écrira son roman, j'en suis absolument certain, elle n'aura pas besoin d'un nègre. Bah, ça fait le lien avec la rubrique suivante. Rubrique numéro 2, miracle de l'éther nègre. Et c'est, vous allez voir, c'est complètement raccord avec, avec le, ce dont on vient de parler. C'était dans Le Parisien. Alors voici l'article. Le vampire de Nanterre est dans la nature, jeudi 6 mai. Jean-Pierre R. s'est échappé de l'unité psychiatrique dans laquelle il était enfermé depuis bientôt 17 ans. Depuis, son signalement est diffusé dans tous les services de police du pays, même si c'est le commissariat de Nanterre qui reste saisi de l'enquête sur cette fugue qualifiée de disparition inquiétante. Les recherches ne sont pas évidentes à orienter. Il n'a aucun point de chute. Ni famille, ni amis en France, confie un gradé de la police des Hauts-de-Seine où l'on n'a jamais oublié le crime dont il est responsable. Alors, je précise que nous avons affaire à un nègre, hein. Bien sûr. La nuit du 3 octobre 2004, Rémi M., jeune homme de 20 ans, rejoint la gare RER Nanterre Université pour aller faire la fête en boîte de nuit. Mais il croise Jean-Pierre R., à l'époque ce jeune homme de 23 ans fraîchement arrivé du Canada, vit seul dans un petit appartement de la cité des provinces françaises. Il aurait eu pour projet de s'inscrire à la fac de Nanterre toute proche, mais passait l'essentiel de ses journées cloîtré dans son petit logement. Quand ses voisins croisaient parfois celui qu'il surnommait l'Américain, il ne décrochait pas un mot. Cette nuit d'octobre 2004, entre la cité des provinces françaises et la gare, Jean-Pierre R. est assis sur son banc quand arrive Rémi. Il bondit sur le jeune homme et le massacre au couteau. L'arme sera plantée dans la gorge de la victime, dans la bouche, à l'arrière du crâne. Une scène d'horreur à laquelle assistent deux témoins qui ont assuré avoir vu le meurtrier se pencher sur le corps de la victime pour boire son sang. 3 ans plus tard, devant les juges chargés de se prononcer sur son irresponsabilité pénale, Jean-Pierre R. avait raconté qu'il cherchait un endroit pour enterrer son chat lorsqu'il a croisé Rémi. Il avait du sang sur les mains, il a hurlé, je suis tombé et il m'a frappé, selon l'invraisemblable récit du vampire. Après arrêté dès la nuit du crime, il avait évidemment été placé en détention provisoire. Une première expertise psychiatrique avait conclu à l'altération de son discernement, la personnalité de Jean-Pierre R. présentant des tendances schizophréniques. D'autres expertises, 5 en tout, ont conclu ensuite à l'abolition du discernement du meurtrier qui souffre en fait d'une réelle schizophrénie. Dès lors, le juge d'instruction a rendu en 2007 une ordonnance de non-lieu dont la famille de la victime a fait appel. C'est ainsi que Jean-Pierre R. a comparu devant la chambre de l'instruction en présence des proches de celui dont il avait pris la vie. D'abord incapable d'admettre que le meurtrier ne serait jamais jugé à cause de sa folie, les proches l'avaient compris au cours de cette audience, confiant alors que le plus important était de savoir que le tueur de Rémi resterait enfermé toute sa vie. Dès l'ordonnance de non-lieu rendue à cause de son irresponsabilité pénale, Jean-Pierre R. avait fait donc l'objet d'un internement d'office ordonné par le préfet. Il avait aussitôt été interné à l'hôpital Max Forestier à Nanterre, à moins de 3 km du lieu du crime. C'est là qu'il se trouvait encore la semaine dernière. Tous les 6 mois, comme l'exige la loi, le juge des libertés de la détention s'est penché sur son cas en examinant les certificats médicaux que l'unité psychiatrique de l'hôpital doit lui fournir tous les mois. Jamais le juge n'a tranché pour la main levée de l'hospitalisation. Jean-Pierre R. a manifestement décidé de l'appliquer tout seul. Ce jeudi soir, il aurait fugué au moment de la prise de médicaments, selon ce qui est inscrit sur la fiche de signalement de l'établissement de soins. Le document précise le risque de comportement agressif de Jean-Pierre R. à son endroit ou à l'encontre d'autrui. Curieusement, le commissariat de Nanterre n'a été alerté de la disparition que samedi, assure un proche de l'enquête. Donc tu vois, enfin pardonnez-moi, vous voyez, donc il s'échappe jeudi soir et la fugue n'a été signalée que 48 heures plus tard. Ce lundi, la police n'avait pas retrouvé la trace donc, de cet homme, que l'hôpital décrit comme mince, vêtu d'un pantalon noir, d'une veste de sport et de la même couleur, et chaussé de baskets au moment où il a échappé aux soignants. Et bien sûr, il ne donne pas le profil racial. Les enquêteurs sont perplexes. Ensuite, ça continue. Tout ça pour vous dire que finalement, hein, il a été interpellé le mardi dans le 18e arrondissement. Il était dans un hôtel. Voilà. Ils l'ont retrouvé comme ça. Coup de chance! Coup de chance. Donc le vampire de Nanterre était libre de ses mouvements de jeudi soir jusqu'à mardi. Voilà, c'est ce qui s'est passé là. Alors, est-ce que quelqu'un veut brièvement réagir à ce qui aurait pu se transformer en véritable bain de sang, hein ? Je suis un peu étonné, moi, que ça ait fait que ça a été signalé comme ça au niveau national, que c'est paru dans la presse. Je pense que des patients psychiatriques dangereux qui s'échappent, ça doit quand même arriver de temps en temps, hein, n'est-ce pas? On l'a vu dans le témoignage précédent. Ouais. Donc j'ai pas trop compris pourquoi ça a été médiatisé comme ça. Je pense en raison de du caractère spectaculaire du crime déjà à l'époque, qui fait que ça attire l'attention, tout simplement. Ouais, ouais. C'est-à-dire, à mon avis, pour les autorités, la perspective d'avoir un type qui s'échappe d'un hôpital qui avait déjà défrayé la chronique avec un crime particulièrement horrible comme celui-là, imaginez que le type réitère dans les rues de Paris, là ça serait transformé en très mauvaise affaire pour le gouvernement, en fait. Voilà. Alors que si c'est un type, voilà, un fou qui a attaqué au couteau quelqu'un, bon, ça fait mauvaise presse, mais c'est pas aussi spectaculaire, ça ne retient pas autant l'attention médiatique. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, quoi. Mais on parle souvent de l'immigration africaine, alors là, c'est de l'immigration africaine, mais là, pour le coup, elle vient du Canada, donc on reçoit vraiment les meilleurs. Hein. Et lui, on l'a récolté à vie aussi. Hein. Le mec, il est en pension complète à vie. Voilà. Bah, il va m'y ressortir un jour, hein, puis on verra ce qui se passe. Et oui, bah, effectivement, le profil racial n'est pas mentionné. Par contre, une partie de son nom est dévoilée. Ça, c'est à dessein. Hein. Jean-Pierre R. Vous lisez l'article, vous dites, ah, c'est bon, ok, c'est un Gaulois, quoi, Jean-Pierre R. Il n'y a pas de nom de famille, et puis il n'y a pas de photo, voilà. Mais en fait, non, c'est un nègre, quoi. Faudrait le foutre en tôle avec la rappeuse, là, Vous savez, celle qui avait déterré son chat là, pour le bouffer. Ah oui! Je pense qu'il pourrait bien s'entendre. J'ai oublié laquelle, ouais, elle avait fait une soupe. Banks, mais je sais plus son nom. Ouais. Ils sont très branchés vaudou. Oui, mais c'est ça, là, c'est bien ce que tu dis. C'est vrai qu'on a affaire à des populations africaines et ce genre de comportement-là, c'est pas du tout étonnant. On n'est pas loin du cannibalisme. Mais ce qui résume ce que je dis, il faut nécessairement les confier à des grands maîtres marabouts. Mais qui seraient probablement des cannibales aussi, tu vois, donc je sais pas si... Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que le coup d'enterrer le chat, c'était peut-être justement un rituel de marabout, tu vois. C'était ça, non? Bah, le chat, c'est plus que probablement. Du coup, quand il a croisé un mec, il s'est dit, dis donc, le grand esprit est sympa avec moi ce soir, il m'envoie un deuxième sacrifice, et voilà. Ouais, Ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes si on réunit tous ces gens. Autorégulation. Un psychiatre ne pourra jamais rien faire pour ces gens-là. Ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même approche, la même science, rien du tout. Il n'y a que les marabouts qui marchent pour eux. Enfin bon, c'est à cette occasion-là, je ne connaissais pas l'histoire en fait, hein, de ce meurtre, des circonstances particulièrement horribles. Mais voilà, donc on a... Oui, on a toute une clientèle et il faut se dire qu'on en a beaucoup plus en liberté, en vérité. On parle assez peu de toutes les disparitions qu'il y a en France. Il y a énormément de gens qui disparaissent. Regardez avec quoi on doit composer maintenant en France, quoi. Des nègres, vampires, cannibales, immigration choisie. Excusez-moi, je doute. Hein, je doute. Mais on est vraiment tous les pays ont des petits déchets. En fait, ils foutent ça dans un grand conteneur et ils les balancent sur l'hexagone, quoi. Tout à fait. On regrette le temps de Dracula, au moins à l'époque, les vampires étaient des vrais Roumains, quoi, des vrais Européens, tout se perd. Hein. Enfin bon, voilà, j'ai voulu citer cette anecdote pour qui fait le lien avec ce que disait notre auditrice précédemment. Que, bon, là, lui s'est échappé. Mais bon, je dois dire que vu la dangerosité de l'animal, qu'il ait pu s'échapper n'est pas sans interroger. Bon, je ne connais pas les conditions d'internement, mais visiblement, il a quand même pu. Voilà. Il aurait pu passer à l'acte en réalité. Il a eu tout le temps de le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait, je l'ignore, mais il aurait totalement pu passer à l'acte. Ce type-là ne va jamais faire une seule seconde en prison. Il va finir dans un autre hôpital psychiatrique, vraisemblablement. Je ne sais pas s'il est binational, canadien-français. On a des nègres canadiens et français maintenant. Je sais, tout est possible. Hein. C'est la France. Oula, on est dans un autre paradigme. Hein. C'est bizarre, il était franco. Du coup, on va se le coltiner à vie. Hein. Puis jusqu'à... Oui, oui. Parce qu'un jour, il y a bien un surveillant un jour qui va s'allumer une clope et qui va regarder de l'autre côté. Et puis le type, il va voir que tiens, si j'escalade les barreaux, là, je suis à nouveau dehors. Puis il rebalade, quoi. Parce que si ce type, vu qu'on réagit en matière de est-ce que le bonhomme, il a un passeport avec marqué République française, oui ou non, parce que c'est ça maintenant le seul paradigme qui compte, hein, est-ce que c'est un Français comme vous et moi, eh ben, du coup, on va se le cotiner jusqu'à la fin des temps. Voilà, mais oui, c'est bien de parler de ça aussi. C'est un point qu'on souligne peut-être pas assez. Alors déjà, je pense que le Canada aurait dû reprendre son ressortissant, déjà, pour que, comment dirais-je, ce pays prenne en charge les actes de ses ressortissants. Ça c'est d'une. Et deuxièmement, enfin ça c'est une possibilité, mais même, je veux dire, au regard de la loi française, enfin bon là on voit les limites de la démocratie et tout, parce que des créatures comme ça devraient être exécutées. Voilà, il faudrait que c'est ce genre de... Il faudrait que la loi prévoie la condamnation à mort de créatures de ce genre. Je veux dire, ça ne sert à rien de maintenir ce truc-là en vie, quoi. Voilà, il faudrait l'exécuter, c'est ce qui devrait se faire. Voilà, il faudrait que ça aille vite. Et voilà. Mais les îles Kerguelen, et pire, si on ne veut pas le tuer, on le fout là-haut. Si, non, je pense que non, mais là, en plus, on a affaire à un cas psychiatrique, donc il peut même pas y avoir de... Tu peux même pas escompter une espèce de minimum d'effort d'introspection sous l'effet de la souffrance. Non, là, t'as juste affaire à un nègre fou, donc ce qui produit du carbone et de l'urée, n'est-ce pas, et dont on n'a pas besoin. Hein, donc voilà, ça coûte une fortune, c'est dangereux, et ça n'a aucun sens de conserver ces gens-là en vie. Absolument aucun sens. Voilà. Puis ça tue, donc c'est pas bon pour la biodiversité. Moi, je suis un peu écolo. Et donc autant on parle du problème des vaches qui pètent, mais on parle pas assez du problème des nègres qui pètent. Et du coup, il faudrait faire un petit geste écologique. Alors messieurs, je vous propose de passer à la rubrique numéro 3, le sale boomer de la semaine. Alors là, on va rentrer sur du dur, des questions vraiment de fond là. C'est François Bayrou, hein. Il vient de s'exprimer. Vous savez qu'il a été nommé, je crois, j'ai plus le nom du titre exactement. Ouais, haut commissaire au plan. Voilà, c'est ça son titre, tant pour moi. Alors, bon, je vous lis, hein, ça. C'est BFM TV. Donc, c'est paru dimanche, hein, donc c'est tout frais. Alors que la France connaissait depuis plusieurs années une réelle dynamique démographique, entre guillemets, des signes très préoccupants d'un dérèglement de cette dynamique apparaissent selon l'ancien ministre. François Bayrou souhaite sauver le modèle social français. Dans une note transmise à l'AFP, le haut-commissaire au plan plaide pour un pacte national pour la démographie. Assurer notre avenir démographique passe par deux voies. Premièrement, avoir plus d'enfants ou, deuxièmement, accueillir des personnes d'autres pays, écrit l'ancien ministre, pour qui la France devra jouer des deux leviers dans des proportions raisonnables qui garantissent le maintien de la cohésion nationale. La France a sans doute plus besoin encore que ses voisins d'une démographie dynamique, car son modèle social repose pour beaucoup sur la solidarité entre générations. Ça, je cite, hein, bien sûr, notamment à travers le système de financement par répartition des retraites, argue-t-il. L'indice de fécondité se tasse de 2,02 enfants par femme en 2010 à 1,83 en 2019, et le nombre de naissances baisse année après année, 753 000 en 2019 contre 818 000 en 2014. Il manquerait 40 à 50 000 naissances par an pour assurer le renouvellement des générations, lit-on dans la note du Haut Commissariat. Pour 2020, le solde migratoire est estimé de manière provisoire il est positif à 87 000 personnes, un chiffre à comparer avec le solde naturel, donc les naissances moins les décès, qui était de 149 000 en 2018 et 140 000 en 2019. En 2020, année marquée par le Covid-19, le solde naturel est estimé à 67 000. En positif, quoi. Dans cette même note, François Bayrou ajoute que l'apport des migrations peut aider à améliorer le rapport actif-retraité et donc la capacité de financement de nos systèmes sociaux. Parallèlement, il milite pour une ambition démographique dans notre pays. La politique familiale soutient la natalité et cela passe par l'accueil de la petite enfance qui en est l'un des leviers les plus puissants sur lequel des efforts supplémentaires sont à accomplir, tout comme sur les politiques de logement qui permettent d'accéder à une forme d'indépendance et sur les conditions d'accès à l'emploi des jeunes. Alors, messieurs, je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire, puisqu'en fait, on touche au cœur du problème. Hein. Une chose est certaine, François Bayrou a absolument besoin de l'aide à pas cher pour s'occuper de ses canassons. Alors, bon, François Bayrou, un centriste, pas connu pour son courage politique, comme tout centriste qui se respecte, qui, Macron a voulu s'attirer son soutien en vue de 2022. Il a donc nommé à la tête d'un machin bureaucratique le fameux plan, dont il est devenu le haut commissaire. Comme vous savez, en France, tout est haut. Donc, il est haut commissaire au plan et il a une formule révolutionnaire pour régler les problèmes. Recours à l'immigration. Ça, c'est jamais tenté en France. C'est original, ça. C'est original, ça. Alors, là, en fait, on touche au cœur du souci. Il y a beaucoup de nos gens qui disent, mais pourquoi l'immigration ? Il y a beaucoup de gens, même dans nos milieux, ouais, ils en ont ras-le-bol de l'immigration, de la submersion migratoire, du grand remplacement. Mais ils se posent la question, ils disent, mais pourquoi, en premier lieu, il y a une immigration ? Quoi, c'est un problème de surveillance des frontières ? C'est un laxisme au niveau du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui guide cette non-politique, ce refus, par exemple, d'expulser les migrants clandestins, pour prendre ne serait-ce que cet élément? Comment se fait-il? Et en fait, grâce à François Bayrou, il n'était pas le seul. Vous savez, à chaque fois, ça touche les retraites. C'est très intéressant, ça. À chaque fois, en fait, que un politicien français est mandaté ces derniers temps pour aborder la question de l'équilibre du système de retraite français, vous remarquez que très très vite on nous parle d'immigration. Et voilà, c'était pareil avec Delevoye il n'y a pas longtemps, je cite ça régulièrement, il avait dit lors d'un déplacement que la France, l'Europe, je ne sais pas quel pays il avait en tête, mais il avait parlé de 50 millions de migrants nécessaire d'ici à 2050 pour équilibrer entre guillemets les systèmes sociaux. Et là, on voit que François Bayrou, parlant aussi du système de retraite, nous dit, alors il ne donne pas de chiffres, mais il indique clairement qu'il faut plus d'immigration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où je parle, il considère qu'il n'y a pas assez d'immigration. Ce n'est pas encore suffisant, c'est ce que nous dit François Bayrou. Or, je cite très fréquemment des chiffres pour qu'on s'entende, pour qu'on sache de quoi on parle. Dans les maternités françaises en 2021, nous sommes peu ou prou aux alentours de 45% de naissances non blanches. Donc sur parce qu'il a donné le nombre de naissances cette année. Voilà, 753 000 en 2019. Bon, ben là c'était en 2019, bon, à 2 ans près c'est presque ça. Donc cette année, ça sera 45% de naissances non blanches. Donc c'est presque la moitié maintenant de ces 750 000 et quelques naissances qui sont des naissances allogènes. C'est considérable. Ça, c'est d'une. Ça, c'est la natalité allogène en France. Deuxièmement, l'émigration française. Ça, j'en ai parlé. J'ai dit qu'en 2018, on avait perdu comme ça 150 000 Français. Donc il y a une émigration française. et principalement des gens talentueux d'ailleurs. Donc eux, ils partent, ils quittent la France. Donc les bacs plus 8 quittent la France. Et dans le même temps, face à ce dépeuplement par en fait la dénatalité, alors là, il parle d'1,8 enfants par femme. Attention, ça intègre la natalité halogène dont j'ai parlé, 45%. D'accord ? C'est que si vous retranchez la natalité non blanche en France du chiffre global, vous êtes aux alentours de 400 000 naissances de Français de souche. Et pas 750 000. D'accord ? Donc non seulement il y a dénatalité blanche, non seulement il y a émigration française, mais en plus on a immigration non blanche de masse et subvention à la natalité immigrée par la CAF, par les allocations familiales. Et ce que nous dit Bérou, c'est que ça ne suffit pas. Il faut en faire venir davantage et il faut soutenir cette natalité halogène. Alors très curieusement, on ne parle pas de la composition de cette dynamique démographique qu'évoque Bérou. Alors, deuxième point, c'est lié aux systèmes sociaux. C'est-à-dire que ces gens pensent à l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, le système social est là pour aider une nation. Mais là, on procède à l'inverse. C'est-à-dire que pour sauver le système social, on a décidé d'hypothéquer la nation. Biologiquement, en fait. Ce qui aboutit à ce type de raisonnement complètement fou, il nous dit, en gros, voilà, il faut faire venir plus d'immigrés, en plus de ce qu'on a maintenant, avec tous les problèmes qu'on connaît, hein, vous les connaissez comme moi. Mais ils ne sont pas immigrés, quand ils sont français. Voilà, ils vont être français, je suis d'accord. Mais il dit, oui, mais il faut le faire de telle sorte à ce que ça ne remette pas en cause la cohésion nationale. Mais je veux dire, il n'y a déjà plus de cohésion nationale. Il n'y en a déjà plus. On voit bien tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Et ce type nous dit, il en faut plus. Mais attention quand même, la cohésion nationale, il faut être vigilant. Mais il en faut plus. À un moment où on a pratiquement la moitié de la natalité qui est déjà halogène. Alors quand je dis ça, la moitié de la natalité, projetez-vous dans 20 ans. Je répète, mais c'est une règle pour faire passer un message. Il faut marteler, il faut répéter encore et encore pour que le message finisse par passer. Quand vous avez, comme je le dis, 45% de naissances non blanches en 2021, bon, en 2027 environ, à une année près, ça sera 50%. Projetez-vous à partir de ça 20 ans plus tard. Dans 20 ans, tout ce qui aura moins de 20 ans en France, c'est-à-dire jeunes adultes et adolescents et enfants, tout ce qui aura moins de 20 ans sera pour moitié non blanc et majoritairement musulman. Vous voyez le bouleversement démographique ? D'accord ? Et ça, c'est les chiffres de maintenant. Et ce que propose Bérou, c'est d'accélérer le truc. Pourquoi ? Pourquoi se livrer à cette expérimentation ? Pour sauver le système de retraite. C'est-à-dire sauver les retraites des boomers. Voilà ce que nous disent ces gens. C'est criminel, mais, et là, il y a une équation qui est aussi une équation démographique et électorale. Vous savez qu'il y a l'ethnopolitique, mais il y a aussi, j'ai presque envie de dire, la dimension générationnelle du vote. Aujourd'hui, en France, en 2021, il y a environ 17 millions de retraités, donc des gens sexagénaires et plus, qui votent massivement pour Macron, c'est-à-dire le candidat du statu quo. Ça pourrait être Xavier Bertrand, ça pourrait être quelqu'un d'autre de ce genre. Quoi, ouais. En 2030, c'est vite venu, hein, c'est dans 9 ans, hein, il y en aura 21 millions, parce que le vieillissement de la population s'accentue. Face à ça, on aura, sauf changement, on aura 20 millions d'halogènes. Donc au plan électoral, on aura face à nous 41 millions de personnes qui seront d'accord sur la politique d'ouverture maximale des frontières. Il faut avoir ça en tête. Hein. Donc vous aurez 21 millions de retraités, on leur dira, voilà, vous avez besoin de votre pension, hein. Oui, vous voulez la garder, oui. Bah, on a besoin d'immigrés. Alors ils vont voter pour ça. Les immigrés, ils vont voter pour le parti de l'immigration. C'est évident, pour le système social et compagnie. Donc on a un bloc de 40 millions face à nous, dans une population française qui va à peu près rester stable en raison du tassement démographique. C'est-à-dire que le remplacement a lieu, mais le chiffre global ne va pas trop varier. On sera aux alentours de 70 millions d'habitants, plus ou moins, quoi. En revanche, la composition de la population va profondément changer. Mais on aura 40 millions. Donc, il va rester quoi ? 30 millions ? 30 millions de blancs actifs, en âge de travailler, ou même des enfants, qui vont devoir nourrir tout ça ? Ben voilà l'équation qui est face à nous. Donc, électoralement, moi, je ne vois pas de recette miracle, hein. C'est aussi pour ça que je ne suis pas démocrate, quoi. C'est quand vous mettez ces chiffres-là face à un système politique où 51% décide pour le reste de la population, on arrive dans une situation extrêmement difficile. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà, je voulais donner mon sentiment là-dessus. Je ne sais pas ce que vous voulez en dire. Bon, on nous annonce en tout cas que non seulement ce qui se passe va continuer, mais que ça va s'intensifier, quoi. Grosso modo, c'est ce que dit Béraud, quoi. Je tenais absolument à prendre la parole sur ce sujet-là pour casser un peu le mythe qu'on entend trop souvent chez les boomeuses, les boomers en général. C'est que les politiques, comment dire, ils sont bienveillants, d'accord, ils essayent de faire les bonnes choses, mais juste ils n'y arrivent pas, ils sont incompétents. Ça, c'est complètement faux. Là, Bayrou, de quoi il nous parle? Si vraiment on peut prendre en termes de chiffres, là. Il nous dit qu'il y a 40 000 à 50 000 naissances qui manquent tous les ans. Alors, bah très bien, il y a 200 000 avortements par an, plus de 200 000 d'ailleurs, ça réglerait déjà une partie du problème. Ça, Bayrou, il le sait, il est au courant. Il est éduqué, Bayrou, hein. Il connaît les rouages de la politique, Macron, pareil, hein. Je me fais pas de soucis par rapport à ça. Il y a des solutions qui existent, c'est juste qu'en fait, il n'y a pas de volonté politique, c'est pas qu'ils sont bienveillants mais incompétents, c'est qu'ils ne veulent pas mettre ce genre de truc en place. Ils sont malveillants et ils sont très compétents dans leur volonté de nous détruire. C'est leur projet, pour le coup, c'est leur projet et ils l'appliquent bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Cette histoire d'avortement là que je viens de prendre un peu au pif, ça peut faire des remous, etc. On comprend que politiquement parlant, il y aurait peut-être une difficulté à le mettre en place à l'instant T. Mais il y a plein de mesures, si vraiment on veut réduire ce déficit, et si c'est ça le cœur de son problème, qui serait pour le coup facile à mettre en place, que Bayrou connaît précisément parce que lui, il est dans le système. 40 000, 50 000 naissances, mais d'accord. Moi, je suis pour l'immigration de 1 million de Danoises demain, par exemple. Faites venir 1 million de Danoises demain. Écoutez, moi, je suis national-socialiste, et bien pour le coup, l'immigration, là, je serais pour. Et je pense qu'il y aura plein de Français qui seraient pour. Vous voyez, il n'y a pas besoin de voter une loi pour faire appliquer un truc pareil. Il n'y a pas besoin de changer la Constitution. Ça serait possible. Il y a des choses à faire là-dessus. C'est juste que ces gens ne veulent pas appliquer une politique nataliste. Pareil, c'est faisable. On peut faire une politique nataliste intelligente qui serait basée sur les gens qui travaillent. Pas un truc sur les allocs où, en fait, les Africains qui bossent pas, bah, du coup, ils font 5-6 enfants. Eux, ils ne sont pas touchés par l'avortement. Eux, ils font 6-7 enfants. Il n'y a pas de souci pour eux. Les Africains, il n'y a pas de problème. C'est les Blancs qui sont touchés par la contraception, l'homosexualité et l'avortement. Ça, c'est les Blancs qui sont visés. Hein. D'accord ? Et là, pour le coup, il y a une volonté politique très forte d'accentuer ce phénomène. Vous mettez en place demain une politique nataliste, comme je disais, basée sur le travail. Par exemple, réduction de l'impôt sur le revenu pour les gens qui ont, je sais pas, plus de 2 enfants, je dis n'importe quoi, mais pour vous donner une idée, ou pour une réduction des charges pour les indépendants. Et là, vous avez vos 40 000 à 50 000, vous les avez, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Ces gens, j'insiste là-dessus, hein, comme tu disais qu'il faut insister, ils sont vraiment malveillants, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ils sont très compétents pour nous détruire. Leur projet, c'est finalement nous coller de plus en plus de nègres, et pour ça, nègres ou de bougnoules, le truc marron, et tout ça, tous les prétextes sont bons. Voilà. Demain, c'est Bayrou, après-demain, il y aura, écoutez, les retraites, oui, puis après-demain, il y aura encore autre chose. Qui d'autre? Oui, moi, ce que je voulais rebondir hein, pour compléter ce que vous dites sur la question du chômage, parce que là, on est. Depuis 15 mois, dans la période dite d'urgence sanitaire, Covid-19, tous les restaurants ont fermé, donc ces gens-là vivent d'aide sociale pour rester fermés. Mais beaucoup ne réouvriront pas. Il n'y a pas que les restaurants, il y a tout un tas de commerces, tout un tas d'entreprises. Et d'après certains rapports, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, on estime une grande partie, vraiment, peut-être le tiers des PME, voire davantage, pourrait couler dès lors que les aides s'arrêteraient. Et les aides, par définition, vont devoir s'arrêter. Donc là, les gens qui font ça, dans leur logique, ils nous prennent pour des imbéciles, puisque ou alors ils sont eux-mêmes tellement débiles, mais minimum d'éducation, comme l'a dit Pierrot, Bérou a quand même fait des études. Il a été ministre de la Justice, on ne l'a pas dit, mais il avait fait une alliance avec Macron, puisqu'il s'est retiré au profit de Macron pour l'élection de 2017, alors que d'habitude, il était depuis quelques temps le candidat centriste, qui pouvait faire 15-20% des voix, etc. Donc, c'est au profit de Macron. Ensuite, il est devenu éphémère ministre de la Justice. Là, il est commissaire au plan, ce qui nous rappelle l'ultralibéralisme, n'est-ce pas, si cher à Marine Le Pen, commissaire au plan. C'est n'importe quoi. On fait comme si l'emploi était facile à créer. Et l'emploi, déjà 10% des Français au chômage, 5-6 millions de Français au chômage, plus là, sans parler du Covid-19, donc là, ça va être une calamité. Alors, justement, cette histoire de chômage, c'est un autre exemple qui prouve que le pouvoir est malveillant et très compétent dans sa malveillance. Si jamais vous vous placez dans... du point de vue du français moyen, vous dites bah, le chômage, c'est un problème, il faut le résoudre, tout simplement. Mais du point de vue, par exemple, de Macron, le chômage, c'est pas forcément qu'un problème. Ça peut être aussi un moyen de tenir les gens en laisse, parce que vous vous rendez compte, du jour au lendemain, on vous faut dire, bah, si, je sais pas, politiquement, vous vous prononcez sur tel ou tel sujet politique, vous êtes trop un agitateur et que vous voulez renverser le régime, en gros, vous allez être désargenté et finir clochard. Et avec tous les chômeurs qu'il y a, votre boulot, vous allez être vite remplacé parce qu'il y a beaucoup de candidats. Voilà, un autre exemple. Oui, et la logique qui apparaît maintenant, c'est-à-dire l'hypothèse d'un revenu universel, on nous verserait peut-être un jour un revenu universel, mais ce serait en échange d'une adhésion totale aux règles fixées par ce système de plus invasif. On en reparlera bien sûr tout à l'heure, question du passeport sanitaire, des vaccinations et tout ça. Mais oui, l'État cherche le contrôle total et les individus indépendants, les entrepreneurs par définition, petits entrepreneurs, moyens entrepreneurs, gens dangereux. Moi, je partage totalement ce que vous dites. Il y a cette idée qui a cours, c'est qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle depuis 40 ans en France le problème du chômage. Or, Pierrot l'a bien résumé, il n'y a jamais aucune volonté de le résoudre. Donc si les élites ne veulent pas le résoudre, c'est que ce n'est pas un problème en réalité, de leur point de vue. Et c'est évident, c'est pour une raison évidente. Comment ça se fait qu'un pays qui compte autant de chômeurs laisse ses frontières ouvertes? Ça n'a pas de sens du point de vue, je veux dire, du travailleur français de base. Ça n'a pas de sens. Mais du point de vue des élites, ça a du sens. Je crois que j'ai dit ça dans une émission précédente. On parle souvent des délocalisations. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de délocalisations, parce que je crois que l'essentiel a été délocalisé. Il y a encore peut-être des choses qui se délocalisent, mais les délocalisations, ça consiste à déplacer les centres de production hors de France, hors d'Europe, pour les mettre dans des pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, allez savoir où, parce que les coûts de production sont inférieurs. Donc voilà, donc là, le capital maximalise ses bénéfices. Et on croit souvent que c'est le seul mouvement qui existe. Mais pas du tout. Ils délocalisent les centres de production dans des pays d'Asie notamment et ailleurs. Mais ce qu'ils ont fait et qui n'a pas été présenté comme ça ces 40 dernières années, c'est qu'ils importent le tiers-monde. Ils délocalisent la main-d'œuvre du tiers-monde jusqu'en France. Au départ, c'était la main-d'œuvre d'ailleurs, hein, au début des années 70, chez Renault, etc. Puis très vite, on a délocalisé des consommateurs. Vous voyez ? Dans cette machine à endettement, parce que tout repose sur l'endettement, en fait, hein, à la fois le système social, mais je veux dire l'intégralité de l'économie, quoi. C'est d'où la croissance perpétuelle. Il faut une croissance parce qu'il faut rembourser les dettes, en fait, hein, qui sont tenues par des gens très bienveillants, comme vous le savez. Donc on a besoin d'avoir un marché en expansion perpétuelle. Donc on importe des nègres pour acheter des Nike, pour bouffer du McDonald's, pour aller au Starbucks, pour commander des abonnements Netflix. Vous voyez ? C'est ça qui se passe, en fait. Et d'où le problème, c'est pour ça que de leur point de vue, la baisse structurelle et la baisse tendancielle de la natalité française est un problème et qui compense en important, alors jadis de la main-d'œuvre et maintenant des consommateurs. Donc en fait, le problème du chômage en tant que tel, ils s'en foutent parce que ça met le marché de l'emploi sous stress permanent. S'il y a une offre d'emploi intéressante, il y aura 100 ou 200 personnes à postuler. Le rapport de force n'est pas en faveur de l'employé, mais de l'employeur. C'est tout à fait évident. Donc les élites n'ont aucune raison de vouloir résorber le chômage. Bien au contraire. De la même façon qu'elles n'ont aucune raison de limiter l'immigration. Bien au contraire. C'est une façon de mettre sous pression les travailleurs français. C'est évident. C'est évident. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a une tentative, quand des gens disent, voilà, il faudrait rétablir, entre guillemets, la souveraineté française, c'est-à-dire contrôler les frontières, contrôler les flux. À chaque fois que vous parlez de contrôler les flux, vous voyez les élites durcir le ton. C'est immédiat. On vous dit non. Hors de question de durcir le ton. Et le plus fort là-dedans, c'est que ces élites, ultra-capitalistes hein, par ailleurs, utilisent, comment dirais-je, leur service après-vente, qu'est la gauche et l'extrême-gauche, pour vous dire que c'est génial, les frontières ouvertes, que c'est super, vous voyez. Alors là, tous les arguments sont cités, hein, l'antiracisme, le devoir d'humanité, etc. On mobilise même des curés. Enfin, bon, voilà. Donc, mais en réalité, c'est un duopole entre la gauche électorale et le CAC 40, le MEDEF. Il y a un consensus entre ces forces-là, d'accord? Et le travailleur français, confusément, a commencé à le comprendre. Hein, à partir des années 80, il a commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'on importait de plus en plus de gens, mais que ce n'était pas revendiqué, parce qu'ils n'ont jamais dit ça comme ça, contrairement à Bayrou, maintenant, ou à Delevoye. Ils avaient déjà ça en tête. Les dirigeants français avaient déjà ça en tête. Mais ils ne le disaient pas aux Français. Ils ne se présentaient pas aux élections en disant, voilà, cette année, vous voyez, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas les États-Unis, on ne vous dit pas, voilà, on a un programme pour l'immigration, notre objectif, c'est d'en faire venir tant sur les 5 prochaines années, parce qu'au Canada, c'est comme ça, les dirigeants politiques vous mettent les chiffres sur la table, ils vous disent exactement ce qu'ils vont faire. Trudeau cache pas son jeu, par exemple, au Canada, il vous dit, voilà, nous, cette année, c'est tant d'immigrants, l'année suivante, c'est tant d'immigrants, il ne cache jamais rien. En France, tout est dissimulé, voyez. Vous essayez de connaître le nombre d'étrangers, ça, vous ne savez jamais trop, il n'y a jamais trop de chiffres officiels, c'est au doigt levé, on est obligé de faire des recoupements, etc. Il n'y a pas de statistiques ethniques, on n'est pas sûr. Il y a des clandestins, ils sont là, ils ne sont pas là, on n'est pas bien sûr. Les entrées, les trucs, c'est toujours... Voilà, c'est fait exprès. Les politiciens français s'arrangent pour cacher les décisions, pour dire qu'on ne puisse pas les corneriser, leur dire « vous êtes responsable de cette décision ». Il y avait eu l'échange avec Zemmour et Valls. Valls était passé chez Zemmour pour vendre son bouquin là, il y a quelques semaines. Et au cours de l'échange, bon, Zemmour n'a pas été très méchant avec Valls, entre nous, soit dit. Bon, il lui dit, voilà, quand même, vous avez été au ministère de l'Intérieur et tout, vous avez fait des circulaires, notamment, d'ailleurs, c'est grâce à la circulaire Valls qu'à Rambouillet, le Tunisien a pu égorger Madame de Montfermeil, hein, Madame Montfermeil, pardon. C'est grâce à cette circulaire qu'il a été régularisé. Et vous avez Valls qui passait encore sur BFM il y a samedi soir, pour expliquer que les dirigeants politiques français devaient faire preuve de fermeté. Le mec revient d'Espagne, il a le meurtre d'une policière sur la conscience il y a à peine un mois, le mec est en train de donner des leçons de fermeté au personnel politique français. Je veux dire, un pays qui tolère ce genre de type, ça en dit long, d'accord. Donc en réalité, ces gens savent très bien ce qu'ils veulent, donc je rejoins totalement ce que dit Pierrot. C'est pas qu'ils sont incompétents, ou qu'ils comprennent pas, ou qu'il y a eu des erreurs. Non, ils savent exactement ce qu'ils font. En revanche, ils ne revendiquent pas leur politique. Ils mettent les gens, enfin, le peuple, ils mettent le peuple devant le fait accompli. Et ensuite, on dit aux gens, positivez, oui, il y a de l'immigration, bah écoutez, voilà, il faut vivre ensemble. C'est ce qu'ils nous disent, hein, voilà, bah oui, il y a des étrangers, oui, bah il faut vivre avec. Il faut vivre avec, ils sont là, tu sais. Sauf que c'est un peu court, bien sûr. Bon. Et alors, après tout ce qu'on a subi en 50 ans, et alors que dans l'opinion, on voit quand même, enfin en tout cas dans certaines parties de l'opinion, on voit quand même qu'il y a un raidissement de plus en plus face à cette absence de contrôle des flux migratoires et face au remplacement de population, on se rend compte que, du point de vue des élites, ça n'est pas assez. Donc, du point de vue des élites, il faut accélérer le rythme. Donc, vous avez compris ce qui nous attend collectivement, quoi. Voilà. Mais de leur point de vue, il faut sauver le système. Voilà. Il faut sauver le système, c'est son équilibre financier, voilà, c'est les grandes banques, les grandes maisons d'assurance, c'est les boutiques électorales, voilà, c'est aussi la complaisance avec des pays musulmans qui les ont achetés, avec les islamistes aussi, voilà. C'est tout ça, c'est un système extrêmement nocif, extrêmement toxique, destructeur, mais qui a sa cohérence. Et ça, malheureusement, ce n'est pas expliqué, je trouve. Ce n'est pas suffisamment expliqué. Donc c'est vrai que, comme a dit Pierrot, c'est très important de souligner ce point-là. Non, les politiciens français ne sont pas incompétents. Ils sont très très compétents dans ce qu'ils font. Ils sont très très compétents. Ils ont un échéancier, ils ont un programme, ils s'y tiennent. Ils le respectent globalement dans l'ensemble bien. Voilà. Donc ce n'est pas un problème d'incompétence. C'est totalement faux. Regardez mon exemple absurde avec mon million de Danoises. Bayrou, il dit que finalement le seul frein qu'il a dans sa problématique, ce serait des problèmes d'intégration. Il faut qu'il y ait toujours une cohésion nationale. Si jamais il prend mon exemple complètement abracadabrantesque de Danoise, et qu'il décide d'injecter comme ça ce million, il sait qu'il n'y aura absolument aucun problème d'intégration. On est d'accord. Par contre, son projet à lui, pourquoi il dit ça? Parce que son projet à lui, c'est de nous coller toute la mer de marrons qu'il peut nous trouver. Hein, c'est pas le Danemark qu'il a en tête. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est clair. Il sait très bien où il va. Alors, le problème, c'est... Oui, et puis derrière... Vas-y, Alex. Oui, je veux dire, derrière la figure des politiciens, des ministres, des présidents de la République, il y a souvent en France Jacques Attali. Alors justement, Éthérique Conciliation a fait un bon documentaire que je vous conseille de visionner, mais ce monsieur Attali qui est là depuis 40 ans, lui, quand il parle de son vrai peuple, c'est-à-dire le peuple juif et d'Israël, assimile à l'humanité d'ailleurs, bien entendu les autres ne sont pas des êtres humains, les goyims, lui ne souhaite pas une immigration massive venant d'Afrique en Israël pour payer les retraites. Pourtant, j'imagine qu'il y a aussi des juifs qui sont âgés maintenant et qui... Donc, il y a une hypocrisie derrière tout ça. Je crois que le projet est autre. C'est un projet de remplacement total de l'Europe, quoi. Pour des raisons ethniques, philosophiques, religieuses. La solution vient aussi un peu de nous, pas que de l'État. D'accord, c'est comme ça que les gens de droite raisonnent, c'est une bonne chose. Parce que on se posait donc du coup la question, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, nous, en tant que Français? Mais aussi, il faut penser à qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'individus. Alors, il y a plusieurs pistes hein, qui sont souvent évoquées dans le milieu nationaliste. Alors, faut attendre, faut voter. Tout ça viendra de l'armée, la fin du pétrole. Faut prendre les armes, faut attendre l'effondrement économique, que sais-je, ou alors un peu de tout ça. Alors, et du coup, personne n'est d'accord sur ces solutions-là, d'accord ? On a tous un peu notre stratégie individuelle, peut-être qu'il y a un peu de vrai dans un peu de tout ça, je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des moyens qui sont clairement à notre portée et qui, je trouve, sont un peu délaissés dans le milieu nationaliste. C'est deux axes qui sont peu évoqués. Et les gars, faire de l'argent, faut faire des gosses, faut y penser. Et ça a l'air tout con comme ça, mais je trouve qu'il y a trop de... Il y a trop de célibataires, il y a trop de prolos qui sont d'accord avec nos idées. Voilà. Faut aussi penser à faire du fric, faire des gosses. C'est pas un bonus. C'est vraiment une option qu'il faut envisager. Bah là, le problème, c'est que tu vas tomber. Là, c'est une autre question, mais tu vas tomber sur la. Alors, soit la qualité des hommes, soit la qualité des femmes. Et là, on tombe sur la question du féminisme. Et bon, ça serait encore. Une autre discussion. Prolonger la conversation. Ouais, ça prolongerait la conversation, mais c'est évident que la question n'est pas de. C'est pas le problème de trouver des hommes pour faire des enfants. Le problème, c'est est-ce qu'un homme va pouvoir éduquer ses gosses alors que tu sais qu'il y a un taux de divorce de 50% en moyenne. Un mariage sur deux se termine en divorce. Quand les gens se marient, parce que maintenant, beaucoup de gens ne se marient plus, donc ils ne sont pas mariés, mais je veux dire, ils sont concubins, et puis ensuite ils se séparent. Donc dans une société comme ça, c'est très difficile d'avoir. Il n'y a pas de vision à long terme, c'est ça que je veux dire. Oh, bah, je ne dis pas que c'est facile, attention. Hein. Oh là là, non, non, je pense même que c'est très difficile. Le cadre est spécifiquement conçu pour que les gens ne puissent pas se projeter dans la longue durée avec, dans un cadre organique, si tu veux, donc avec des familles fortes, etc. Ça n'existe plus. Tout ça a été démantelé avec l'abolition du patriarcat, au nom du féminisme, bien sûr. Ce qui fait que, bon, démantèlement de l'institution du mariage, avortement de masse. Bon, voilà, tout ça. Donc, ce qui fait que... Et puis, en plus, il y a un encouragement des filles à se comporter n'importe comment. Comme des putes. Oui, ou même à se focaliser sur le boulot, tu vois. C'est-à-dire, voilà, de 20 à 30 ans, j'ai une sexualité récréative. Bon, je me focalise sur mes études, et puis bon, bah, je verrai à 32, 33 ans, puis tu te rends compte qu'à 32, 33 ans, enfin la fille se rend compte qu'à 32, 33 ans, bah, les mecs qui sont eux-mêmes devenus sous l'effet de cette, presque cet embrigadement collectif par ce type de société, bah, sont devenus aussi des, si tu veux, des bézouilleurs qui sont pas tellement intéressés, tu vois, qui sont là, oh, bon, ils vont d'une nana à une autre, voilà, mais ils ont pas de projet à long terme, quoi, puis tu vois, puis... Ah bah c'est plus confortable d'être salarié et de se plonger dans le porno que d'être indépendant et puis de fonder une famille et puis de s'engager, je dis pas. Voilà, c'est un combat qui est difficile parce qu'il y a tout qui est contre nous. Voilà, c'est ça, ce système est là. Ils ont construit un système, tu vois, qui a aboli le rôle de l'homme dans sa centralité sociale, donc démantèlement du patriarcat. Le féminisme est là, si tu veux, pour pourrir les rapports hommes-femmes en permanence. C'est pour ça que c'est mis en avant dans les grands médias, tu vois, toutes les affaires de viol. Je dis pas que ça existe pas, tu vois, mais ça prend une proportion qui est artificielle. C'est artificiellement gonflé, et c'est pour alimenter la suspicion, justement, pour éviter ce rapport stable entre les hommes et les femmes, tu vois. Et pendant ce temps-là, donc pendant qu'on est en train de détruire, si tu veux, le socle organique de la société, tu as ces élites qui disent, voilà, on a une solution miracle à tous nos problèmes de natalité. Là, c'est l'immigration de masse. Et ça, c'est vrai que ça coûte pas cher, ça coûte un billet d'avion. Et même encore, souvent, les mecs, ils viennent même à pied, tu vois. Et tu mets un coup de tampon à la préfecture, et c'est réglé. Tu vois. Et ensuite, regroupement familial, tu vois. Et Mohamed, il arrive avec sa femme, ou ses deux femmes, et puis voilà. Et donc, si tu veux, du point de vue des élites globales, cosmopolites, qui n'ont aucune espèce d'attachement à leur pays, ils s'en foutent, eux, ils gèrent ça comme un supermarché. Pour eux, c'est comme un hôtel. Non, mais c'est exactement ça. C'est pour eux, ils disent, bon, bah, voilà, quoi, on a un problème de quoi, de statistiques, de démographie, c'est pas grave, on va en faire venir, allez, un petit peu de Guinée, un petit peu de Gambie, pas mal d'Algérie, un peu plus du Maroc, voilà, tiens, allez, on va diversifier un peu vers le Soudan, la Somalie, voilà. Ils réagissent comme ça. Mais c'est du court terme pur. Tu vois, tu peux pas comme ça bousculer, enfin même ruiner l'équilibre démographique d'une nation aussi vieille comme la France, quoi, sans t'attendre à de très graves troubles. Je veux dire, c'est ça qu'on va découvrir petit à petit. Nous, on le sait, enfin, je veux dire, mais c'est ça que les gens du commun vont découvrir progressivement. C'est que tu ne peux pas te livrer à ce type d'expérimentation raciale, culturelle, religieuse avec une nation qui a mis tellement longtemps à se sédimenter. Tu peux pas faire ça. Si tu fais ça, tu vas vers de très graves problèmes, et de longue durée. Voilà. Mais les apprentis sorciers qui nous gouvernent sont des mégalomanes. C'est des bureaucrates et des mégalomanes. Donc ils pensent qu'ils peuvent disposer du sort d'une nation simplement d'un trait de plume, sur un rapport, sur un décret. Voilà. C'est les énarques. Ces gens sont extrêmement dangereux. Ils sont extrêmement dangereux. Mais on va être rattrapés par l'anthropologie. Voilà. Alors t'as beau gueuler, t'as beau dire aux gens attention, etc. Les gens ils t'écoutent pas, tu vois. Tant que ça leur tombe pas sur les chaussures, ils t'écoutent pas. C'est pas un problème rationnel, ça que je veux dire. Tu vois, tu peux leur expliquer, leur donner les arguments, leur prouver par A plus B, ils t'écoutent pas. Tant que ça leur tombe pas dessus. Quand ça leur tombe dessus, ils hurlent comme pas permis, ils t'insultent en disant qu'ils l'ont toujours dit. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est la nature humaine malheureusement, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas reluisant, tu vois. Mais moi, je vais pas vendre du rêve à nos auditeurs, tu vois. Bon, ils le savent, hein, je pense la plupart, quoi. Mais donc, dans ces circonstances-là, vous savez déjà que vous ne voulez pas être dans des grandes villes, même des villes moyennes. Parce que quand le système va vraiment commencer à se désarticuler, là, ça sera assez... D'ailleurs, on commence à voir, hein, la police n'intervient plus, etc. Voilà, ça y est, l'appareil commence à avoir du mou, etc. Quand ça va vraiment, vraiment dégénérer, alors là, je peux vous dire, hein, vous aurez des bandes de nègres qui rentreront chez vous, qui vous égorgeront avec votre famille, vous ne verrez pas l'ombre d'un flic à l'horizon. Hein. Je veux dire, ils viendront prendre les photos et une fois que ça sera fait, quoi, comme en Afrique du Sud. C'est ça qui nous attend. Voilà. Bon, je ne sais pas si le message passe, mais c'est ce que je dis, en tout cas. Quelqu'un d'autre vous, allez, bon, vous allez me dire c'est gay, mais c'est bon. Pas en particulier. Bon, voilà. On va faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de Démocratie participative. Nous revoici pour la deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 6, épisode 18. Alors, nous allons, commencer cette deuxième partie avec une rubrique que j'aime bien, la rubrique numéro 4, le sale juif de la semaine. Il y en a deux, en fait. Je suis généreux cette semaine. Le premier, c'est Mathieu Kassovitz, qui a été particulièrement écœurant. Alors, il participait à un débat télévisé dans lequel il a dit la femme d'un homme, d'un chauffeur de bus qui a été assassiné au Pays Basque, qu'en fait, c'était un fait divers. Hein, c'est pas grave, en fait. Alors, on va l'écouter parler et on se retrouve. Et tout ce dont vous parlez là, c'est des faits divers. Je suis encore désolé de parler de ça. Je suis désolé. Ce qui est arrivé à votre mari, malheureusement, va arriver à quelqu'un d'autre. Parce que la société est faite comme ça. Ce que vous ne comprenez pas, ce qui s'est passé à votre mari, pourquoi votre mari, il y a des fous, il y a des gens qui sont perdus dans leur tête et qui font n'importe quoi et qui ont perdu le contrôle et qui sont des criminels. Et ce genre de choses arrive, c'est tombé sur vous, ça tombera sur quelqu'un d'autre plus tard. Alors donc Kassovitz qui s'exprime, alors il nous sort son violon, il dit voilà je suis désolé bien sûr, mais c'est du fait divers, c'est un fait divers, hein. Bon voilà, un Français lynché par une bande d'Algériens ou de Maghrébins, voilà, bon, comme ça, gratuitement en tant que chauffeur de bus, bah ça arrive, c'est la société est comme ça, hein, nous dit Kassovitz. Donc en fait, voilà, c'est la société, faut pas trop chercher à, voilà, il dit à un moment donné, c'est des fous, voilà, bon, débrouille-toi avec ça, quoi, cherche pas trop à comprendre. Alors ça, c'est un beau travail d'ordure. Kassovitz, pour ceux qui ne... Moi, je pense que la plupart des gens le connaissent, hein, je veux dire, évidemment, c'est lui auquel on doit le film La Haine, donc, bon, un film déjà qui déjà très politique, qui mettait bien en avant déjà ses idées très arrêtées sur toute une série de questions, notamment vis-à-vis de l'immigration. Bon, c'est quelqu'un qui soutient à fond les racailles de banlieue, hein, c'est vraiment son truc. Par contre, il n'aime pas vivre avec. Si vous ne connaissez pas l'histoire, il a déménagé, il s'est tiré de la ville où il vivait au nord de Paris pour aller à Vincennes, si je ne m'abuse, parce qu'en fait, les bougnoules et les nègres de son quartier avaient transformé la cour de récréation où il avait foutu sa fille, la cour de récréation de l'école où il avait placé sa fille, en véritable décharge. C'est-à-dire que les bougnoules et les nègres venaient vider leurs ordures dans la cour de récréation. Donc, vous imaginez avec des rats et tout, voilà. Donc, cette proximité avec la diversité ethnique et raciale n'a pas tellement plu à Kassovitz, qui, faut-il le rappeler, est d'origine juive. Hein. Donc, voilà, c'est typiquement le showbiz juif à Ashkenaz, hein, ça c'est gavé de fric, ça fait la morale au monde entier. Toi. Le mec va te parler de sécurité publique à la télévision alors que le type fait des films. On ne voit pas d'où sort sa compétence, etc. Voilà, une espèce d'aura comme ça, on ne sait pas d'où ça sort. Enfin, on connaît la véritable explication, mais... Voilà, et il explique à une femme qui a perdu son mari, parce qu'il a été lynché à cause de la racaille afro-maghrébine que fait venir, pour les raisons précédemment énoncées, le pouvoir, eh bien que c'est comme ça, c'est la société. Il n'y a pas d'explication, c'est pas la peine de chercher. Désolé, madame Michu, oui, je comprends, bien sûr, votre mari s'est fait assassiner, bien sûr, ça, ouais, d'accord, bon. Mais ça arrive, madame Michu. Alors vous êtes en colère parce que c'est tombé sur vous, mais je vous assure, madame Michu, hein, après-demain, ce sera quelqu'un d'autre, et voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas trop réfléchir. Ce sera quelqu'un d'autre à condition que ce ne soit pas un juif. Parce que si jamais c'est un juif qui se fait buter, là, tu vas en entendre parler, mais alors en Dolby Stéréo, en Panavision, en Sunround, en la totale. Bah, t'as raison, et c'est justement ce que je voulais dire. Est-ce que l'affaire Sarah Halimi, c'est un fait divers ? Pour moi, oui. Oh, mais là, c'est différent quand même, vous comprenez, blablabla. L'Holocauste. Non, mais je veux dire, moi, j'aurais retorqué ça. J'ai dit, Sarah Halimi, c'est un fait divers ou pas ? T'aurais vu le juif se contorsionner, tu vois, là, tu vois, là, c'est comme si tu jetais de l'eau bénite, enfin, jetais de l'eau bénite sur un vampire, tu vois. Tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est ça, quoi. Ben, moi, je suis révisionniste, mais je suis obligé de reconnaître que. T'as des nazis qui ont fusillé des juifs comme ça sans raison, juste parce qu'ils passaient, mais bon, c'était des faits divers, donc ça va. Non, mais bon, voilà, je veux dire, bon, ça, mais ça, c'est le tout. De toute manière, les camps de concentration, c'est un détail de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen a dit que les chambres à gaz étaient un détail de la Seconde Guerre mondiale. Oui, oui, c'est ça, excuse-moi. Voilà, mais les chambres à gaz n'ayant pas existé, voilà, je peux comprendre que Jean-Marie se soit égaré. Mais comment dire, non, mais Kassovitz, là, avec son effort de banalisation de crimes comme ça extrêmement violents, en faisant semblant de. En expliquant à cette femme, puis droit dans les yeux, il se met en scène. Enfin, c'est vraiment un peuple repoussant, quoi. En lui disant, non, il semble chialer aussi. Ouais, il est là, tu sais, il est presque en train de se victimiser. Et puis, le type t'explique qu'il n'y a pas de raison. Et c'est ce qu'il dit à la femme en question. Il dit, madame, ça sert à rien de réfléchir. Il n'y a pas d'explication. C'est comme ça, ça arrive. Tu sais, c'est le hasard. C'est ce qu'il dit, en fait, le juif. Il dit, c'est le hasard, il n'y a pas d'explication. Donc, arrêtez de faire autant de bruit, il n'y a pas d'explication. Or, quand il fait ça, Kassovitz, c'est toujours pareil avec les juifs, il a un calcul en tête. Quand les juifs, c'est pour ça que Victor Hugo disait ça, a raison, juif qui parle, bouche qui ment, quand le juif parle, c'est pour mentir, c'est pour dissimuler une intention, pour perdre le goy. Pourquoi, en réalité, Kassovitz parle comme ça? C'est pas parce qu'il a une âme d'assistante sociale. C'est parce qu'il redoute, en tant que juif, le réveil des autochtones face à l'invasion. Car n'oubliez pas que le juif est un immigré comme les autres. Et l'immigré juif Kassovitz a peur du réveil des autochtones blancs. Donc il doit les endormir. Et c'est ce qu'il a fait avec ses films à la con, qui étaient des films antiracistes. Puis, je veux dire, le film La Haine, c'est vraiment l'exaltation de la racaille de banlieue. C'est lui qui a accompagné ce mouvement dans les années 90, ok? Je veux dire, La Haine, c'était un film que toutes les racailles avaient vu. Hein, je veux dire, voilà. Et que ce mec-là, il soit encore sur les plateaux avec sa vieille tête d'hébreu, hein, enfin, c'était obscène, quoi. C'était obscène, mais et c'est marrant parce que quand tu regardes bien la séquence, ce mec met la pression en fait à la femme de la victime, parce qu'en fait, il lui dit, mais en fait, pourquoi vous êtes là? Vous ne devriez pas être là, madame. D'accord? Ok, on a compris, voilà, il vous est arrivé un truc, c'est triste, mais vous n'avez rien à faire là. Voilà. Faites votre vie, continuez à vivre. Voilà, mais c'est pas la peine de parler en public comme vous faites. C'est ça qu'il dit, en fait. Il dit, on n'a pas besoin de vous entendre. Voilà, ça peut arriver, voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir plus que ça, il n'y a pas besoin d'avoir des débats pendant 1000 ans, voilà. Voilà, bon. Télévision juive, Kassovitz, quoi. Mais ce mec est vraiment, vraiment, vraiment exécrable. Mais celui-là est vraiment exécrable. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Il a une énorme passion pour la boxe. Il faudrait le foutre sur un ring avec les, comment dire, avec les parents de la victime. On pourrait rigoler un peu. Les parents, ils sont empagés maintenant, parce que bon, l'homme qui est mort avait quand même. Enfin, il était pas vieux, mais enfin bon, il était quand même. Il avait un certain âge déjà, quand même. Mais voilà, bon. Enfin bon, quelqu'un sur ce propos-là, typiquement déculpabilisant, hein, visant à déculpabiliser visant à empêcher de faire tout rapport entre les causes et les conséquences, c'est-à-dire entre les Maghrébins et l'immigration, grosso modo, quoi. De rajouter quelque chose là-dessus. Le Hamas est grand, le Hamas est tout puissant, Mohammed est son prophète. Bah, du coup, t'es devenu sunnite alors. Ah non, le Hamas, il est supporté par l'Iran. Il est supporté par l'Iran, mais c'est sunnite. Oui, mais je te rappelle quand même que le seul pays musulman qui soutient les Palestiniens depuis le début sans aucun problème, c'est l'Iran. Je sais, je sais. Alors, le deuxième sale juif de la semaine, il se bouscule décidément, c'est Gil Tayeb, numéro 2 du CRIF, rien que ça. Hein. Alors, vous savez, alors là, ça fait le lien avec ce qui se passe à Gaza, en Palestine, avec Israël. Donc c'est l'occasion aussi d'en parler. Alors, Charles de Gaulle parlait du peuple sûr de lui et dominateur. Alors pour le coup, Gil Tayeb se sent sûr de lui et dominateur en tant que numéro 2 du CRIF, puisque à l'occasion donc des événements à Gaza, eh bien, il s'est exprimé sans aucune retenue. Alors avant de le citer, Je précise que Gil Taïeb nous apprécie particulièrement puisqu'il a motivé la rédaction du projet de loi dite loi Avia, mais qui en fait est un projet de loi du CRIF en faveur de la censure quasi instantanée des réseaux sociaux au titre de l'antiracisme, c'est-à-dire que interdiction de critiquer l'immigration de masse, interdiction de critiquer évidemment musulmans, enfin toutes les conséquences de cette immigration de masse, hein, c'était ça l'idée hein, de la loi Avia, hein, d'empêcher ce qu'ils appellent l'incitation à la haine, un truc qui ne veut rien dire, en fait c'est pour vous imposer l'immigration et le remplacement de population, point barre, vous vous taisez, et Avia ne faisait que signer en fait le rapport qui avait été remis par le CRIF au gouvernement. Donc Gil Taïeb nous apprécie particulièrement parce qu'il avait motivé ce rapport de loi, notamment en nous citant, en disant que voilà, des sites comme Démocratie Participative eh bien, devaient être très violemment combattus par les autorités auxquelles il avait donc remis un plan. Alors la loi Avia, malheureusement pour eux, heureusement pour le peuple français, a été provisoirement rejeté par le Conseil constitutionnel, mais les Juifs essayent de le refaire passer par la bande, bon, je vous passe les détails, l'idée étant de censurer les goïms, mais bon, Gil Taïeb, jusqu'à présent, se voulait un des parents de l'antiracisme en France, hein. Il se portait caution, notamment avec ce projet de loi. Et alors là, à l'occasion de l'affaire de Gaza, pas aussi tolérant, notre ami Gil Taïeb, hein, voici ce qu'il dit. Donc au moment où on parle, en fait, donc Israël bombardé à fond Gaza, tuant, je sais pas combien, enfin vraiment des gosses, des vieux, enfin bon, là, ils tirent dans le tas, hein, je veux dire. Quand ils disent, oui, vous savez, on alerte à l'avance, oui, bien sûr. Bon, vous savez quoi en penser, hein, avec les Juifs. Alors lui, il dit ceci, Israël est victime de sa puissance et de son éthique. Israël est condamné et il sera. Alors, il ne faut pas se freiner. Il faut que la réaction soit vraiment disproportionnée. Sous-entendu, il faut vraiment massacrer un maximum de civils palestiniens. Alors, bon, là, pour le coup, niveau appel à la haine, incitation au massacre sur une base strictement ethnique et religieuse, hein, bien entendu, elle est revendiquée. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Tout ça pour défendre quoi ? Eh bien, l'état racial des Juifs. Car Israël est l'état officiel de la Constitution qui vient de le reconnaître, d'ailleurs. Hein. Alors, c'était l'évidence jusqu'à présent, mais Netanyahou a tenu à le faire rentrer dans la Constitution et a tenu à retirer aussi l'arabe comme langue officielle de l'État d'Israël. Jusqu'à présent, l'État d'Israël avait deux langues officielles, l'arabe et l'hébreu. Et maintenant, l'arabe a été enlevé, et ce n'est plus que l'État national des Juifs. Donc, c'est un État ethnique, ethno-nationaliste revendiqué, quoi. Et donc, pour défendre cet État racial juif, eh bien, il dit, voilà, il faut y aller à fond, il faut balancer des bombes, il faut en tuer un maximum, il faut tuer un maximum d'Arabes. Alors, c'est quand même assez spécial, hein. Quand en France, donc, les mêmes font rédiger des lois pour nous empêcher de nous plaindre de l'immigration musulmane. Qu'est-ce que vous voulez en dire de ça, de notre ami Gil Taïeb? J'ai une petite remarque à te faire. Dit pas « il faut tuer un maximum d'Arabes », parce que là, justement, ça lui poserait un problème. Dans son esprit, il faut tuer un maximum de Palestiniens. Dans son esprit, il faut éradiquer la Palestine, ou ce qu'il en reste, parce que bon, maintenant, c'est carrément des confettis, de la surface du monde, voire même il serait intéressant d'aller buter les Palestiniens en France, en Allemagne, tous ceux qui sont réfugiés aux États-Unis et ailleurs. En fait, le principe de ce brave garçon, c'est qu'il voudrait réaliser le génocide juif prétendu, mais de manière 100% effective, en prenant le peuple palestinien comme exemple. Mais il ne se permettra jamais de taper sur le dos des Arabes. Les Arabes, qu'est-ce qu'ils font pour défendre les Palestiniens ? Strictement rien. Le seul État qui défend la Palestine, c'est l'Iran. L'Arabie Saoudite, qui est censée être le gardien des lieux saints, qui fait assumer la protection des lieux saints par Israël, ne fout strictement rien pour les Palestiniens. L'Algérie, tu as déjà vu les Algériens faire quelque chose pour la Palestine? Jamais. L'Égypte, oublions. C'est ça la réalité. Fulbert. Oui, non, je voulais simplement dire qu'ils faisaient au moins une chose, les Algériens et d'autres. Bah, c'était de manifester à Paris, à Bruxelles, à Berlin, à Bielochaux, quoi. Là, ils agissent. Bah, ils en profitent, parce qu'en France, l'arabe est une langue officielle, hein, en tout cas officieuse, donc là, il n'y a pas de problème. Il y a un truc qui est intéressant, bon, évidemment, c'est un point d'entrée pour ce qui se passe un petit peu en Palestine. Alors, là, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais enfin, bon, je voulais quand même montrer, il faut déjà montrer ça, je veux dire, que tous ces juifs antiracistes qui nous persécutent, hein, par la législation, c'est-à-dire qui mobilisent les tribunaux pour faire taire les Français de souche qui subissent cette submersion migratoire, essentiellement musulmane, mais pas que. C'est eux qui sont à la manœuvre, hein. C'est la LICRA, c'est le CRIF, c'est l'UEJF, le BNVCA, SOS Racisme, bon, ben voilà, c'est la matrice des persécutions des petits Français qui ne veulent pas finir complètement submergés par les populations que eux, sur le territoire qu'ils ont conquis, hein, avec l'aide des États-Unis notamment, là, pour le coup, eux, ils se donnent carte blanche pour massacrer tout ce qu'ils veulent massacrer. Ça, c'est clair. Donc, cette duplicité permanente de la juiverie est absolument intolérable. Là, le voir Bernard-Henri Lévy, et surtout, il est encore à la télévision, là. Voir Bernard-Henri Lévy en train de pleurer, il faut soutenir Israël. Bernard-Henri Lévy, c'est lui qui a créé SOS Racisme avec Jacques Attali. Je veux dire. C'est eux qui ont transformé les Arabes en armes par destination contre les Français. C'est eux qui ont créé ce golem. C'est eux qui l'ont créé. Alors maintenant, le golem, il se retourne contre eux. Mais à l'origine, c'est eux qui l'ont créé. Ils ont toujours accompagné l'immigration de masse. Toujours, systématiquement. Ils ont toujours milité pour. Ils ont réchappé de l'Algérie. En 62, grâce à l'armée française et ensuite à la France qui les a accueillis, la première chose qu'ils ont faite, c'est pousser pour l'immigration maghrébine puis africaine de masse en France. Hein, et ensuite, avec des associations, etc. Ils les ont excités contre les Français, ils ont créé la matrice de l'antiracisme, la mise en accusation des petits Français, qui se sont en fait traînés dans les tribunaux, qui se font intimider. Alors, comme ça continue, on a des lois de plus en plus délirantes, comme Taïeb, là, avec la loi Avia. Et puis, eux, chez eux, entre guillemets chez eux, alors là, par contre, ils donnent carte blanche. Hein, voilà. Il est plus question de lutter contre le racisme ou je sais pas quoi. Là, c'est nettoyage ethnique et compagnie. Voilà. Donc ça, c'est le problème. Ils ont pas de... Vas-y, vas-y, Diabolix. Non, vas-y, vas-y. Ils peuvent se permettre de jouer avec le feu, avec nos civilisations chez nous, parce que si ça pète justement... Eux, ben, ils peuvent se barrer dans leur base arrière en Israël, où là, il y a une ségrégation raciale qui est complètement open bar, hein, qui ne me dérange pas. Hein, je veux dire, la ségrégation raciale, c'est un concept, ça va, j'endormirai bien la nuit, quoi. Qui pose des problèmes, d'ailleurs, d'un point de vue pratique, hein, parce qu'on a vu cette semaine, les Juifs voulaient absolument lyncher un Arabe. Ils ont failli tuer. Puis en fait, les Sémites se confondent avec les Sémites, donc en fait, c'était un Juif. Ouais, c'était marrant, ça. C'était drôle, ils se sont plantés. Mais ouais. Et pour le coup, cette histoire avec le bâtiment de journaliste qui était... Ah ouais, ils ont ils ont fait un truc pas possible. Ouais, ils ont fait sauter l'immeuble qui accueillait, grosso modo, la presse internationale. Donc il y avait la société de presse, enfin c'était vraiment... C'est américain, la société de presse. Hein. Ils leur ont dit, les gars, vous avez 20 minutes pour vous tirer, sinon vous crevez sous les décombres, hein, je veux dire. Imaginez un truc pareil, similaire, qui aurait été dirigé par la France, par exemple. Comment est-ce qu'on nous aurait fait chier? Là, tu vois, ils ont dit, attendez, peut-être qu'on va se réunir lundi à l'ONU, déjà lundi, tu vois, pas pressé, hein, tranquille. Et là, je pense qu'ils vont nous faire comme dans le sketch de Dieudonné. Je sais pas si vous vous souvenez quand il joue le rôle d'un diplomate américain qui doit absolument dire un petit truc à l'ONU, parce que là, pour une fois, Israël, ils ont quand même dépassé les bornes. Puis il fait... Ah non, attendez, là quand même, je crois qu'il faut dire stop, non ? Puis après, il s'adresse à ses amis israéliens. Ça va, j'ai pas été trop dur, on se retrouve à la cantine. Ah oui, je me rappelle à ça. Tiens, ramène-moi des pistaches pendant que je balance du phosphore blanc. Tout ça, bien sûr, est dans le cadre des conventions de Genève. Convention de Genève qui ne concerne bien sûr que le canton de Genève. En dehors de Genève, open bar. Là, phosphore blanc chantilly pour tout le monde. Sous l'œil attentif, tout ça de l'ONU. L'ONU. On parle plus de la bande à Basile. Là, t'es tout en haut de la pyramide. Là. Bon, des collègues humoristes à moi, putain. À chaque fois qu'Israël est impliqué dans une merde, c'est-à-dire toutes les semaines, moi je ne loupe pas une intervention de l'ONU, c'est à se taper le cul par terre. Après les flottilles, Gaza, tout ça, il y a toujours un mec qui arrive à l'ONU. Non ! Cette fois-ci, il y en a marre ! Ça va, j'ai pas été trop dur quand même quand j'ai dit marre ? Ouais, on se retrouve à la cantine ? Un point que je veux souligner, c'est en fait, ces sémites sont des hypocrites. Sans aucune espèce de sentiment de honte. Donc là, j'ai parlé de l'hypocrisie des Juifs, avec un exemple concret, bien sûr, celui de Taïeb, là. Mais celui des musulmans est pas mal non plus, je veux dire. On a des gens qui descendent dans la rue en disant non, non à la colonisation de la Palestine et tout, alors que ces gens sont occupés à nous coloniser. Tout en se disant des coloniaux. Je veux dire... C'est de la gymnastique olympique hein, dans leur tête. Hein. Faut quand même voir à qui on a affaire. Donc ces types s'emparent de nos terres parce qu'ils disent ouais les Juifs s'emparent des terres des Arabes, ce qui est en fait en Palestine, ils s'emparent des terres, ouais, tout à fait. Mais ils s'emparent aussi de nos terres. Alors, j'ai décrit le mécanisme un petit peu avant, on en a parlé avec Bérou. Donc c'est avec la complicité totale de nos élites, bien sûr. Mais dans les faits, ils s'emparent de nos terres. Bon, ils en sont très heureux. Ils en sont très heureux. Donc quand ils dénoncent la colonisation, il faut bien entendre, c'est la colonisation quand elle se fait au détriment de musulmans. Mais quand les musulmans colonisent les autres, ils en sont très heureux. Voilà. Donc c'est le bal des faux culs. Hein, voilà. Tant chez les juifs que chez les musulmans. Ça c'est le... Les bougnoules vont te dire, mais non, je ne colonise pas la France vu que je suis français. Ah bon, bah, qu'est-ce que t'en as à foutre alors du coup de la Palestine? Ouais, mais je suis quand même algérien, tu vois. Vas-y. Ouais, et puis bon, dans leur tête, c'est, ils assument, le bougnoule de base, lui, tu sais, je veux dire, Tsahal, la police française, pour lui, c'est un peu... Alors, je comprends qu'avec des gens comme Darmanin, Bernard-Henri Lévy, Manuel Valls, etc., au bout d'un moment, tu commences à confondre, effectivement, les forces de sécurité françaises avec l'armée israélienne. Je comprends que, pour un arabe, à 80 cuisses, au bout, tu ne vois plus tout à fait clair, si tu veux. Mais non, on a juste l'agressivité des arabes. Donc ça c'est voilà, donc il y a le conflit en lui-même avec ce qui se passe réellement objectivement qu'on peut décrire, et puis ensuite il y a l'instrumentalisation du conflit par les sémites. Moi, mon point de vue vis-à-vis du conflit en lui-même, moi je m'en désintéresse en réalité hein. Je suis pas du tout je m'engage pas affectivement dans ce conflit là. Par contre, je pense en revanche. Donc, il y a deux menaces. Hein. Il y a la menace par la colonisation par le bas avec l'immigration afro-musulmane, et puis ceux qui détiennent le pouvoir en Occident, que sont les Juifs. Donc, il y a les deux faces du sémitisme. Mais ceux qui ont vraiment les leviers de pouvoir, ce sont les Juifs. C'est pas l'Algérien avec son survêt Adidas. D'accord, le type, il t'envahit, il te submerge, mais il n'a pas forcé les portes avec son glaive. Hein, je veux dire, il a pris un billet d'avion, il a passé la douane, on l'a laissé passer. Hein, c'est comme ça que ça marche. Donc, qui c'est qui délivre les titres de séjour à ces gens-là? Bah là, on remonte un peu plus haut et on tombe à, bah oui, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui a des ancêtres juifs du côté de Malte. Maintenant on occupe le place Beauvau, ça délivre des titres de séjour à gogo, donc vous voyez, voilà, on en revient un petit peu au même. Donc je pense qu'il faut quand même différencier le sémite nuisible qui n'a pas le pouvoir du sémite nuisible qui a le pouvoir, voilà. Et par voie de conséquence, ça influe évidemment sur notre façon de regarder ce conflit, mais pour parler du conflit en lui-même en Palestine, c'est peut-être le seul conflit, je crois, où les musulmans peuvent vraiment se dire victimes. Je crois que c'est le seul conflit. Partout ailleurs, c'est des gens qui envahissent, qui saccagent, qui détruisent. Hein, partout, quoi, je veux dire, hein, historiquement, partout. Mais je crois que c'est le seul endroit sur Terre où, effectivement, les musulmans se sont fait parquer, déplacer, voler leurs terres, assassiner. Je crois que c'est le seul endroit où, pour le coup, ils ont un... C'est vrai, ouais. Où une légitimité à revendiquer leur présence là-bas, quoi, je veux dire. C'est assez frappant. Et alors, parce que les yogourts, là, les Ouïghours, allez voir le bordel qu'ils foutent en Chine, les types, ils ont clairement une volonté insurrectionnelle, séparatiste. Ah oui, il n'y a pas de problème. C'est tendu. Hein. Et puis, enfin, avec le concours de la CIA, qui est composé des gens que vous savez. Hein, donc, oui, tout à fait. Enfin, il y a un point aussi que je veux souligner, parce que... Donc, vous avez compris, moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, on n'est pas concerné au premier chef. En revanche... Du fait du soutien du pouvoir occidental contrôlé par les juifs à Israël, de fait, les juifs nous entraînent dans ce conflit, et inversement, en raison de la colonisation de peuplement qu'on subit, les musulmans essayent aussi de nous entraîner dans ce truc. Encore que les musulmans se mobilisent assez peu, en fait, quand vous regardez, parce qu'il y en a quelques-uns qui manifestent, mais c'est pas très massif. Il y a quand même un... La mobilisation des démocraties occidentales en faveur de l'État juif israélien permet de pointer les contradictions du discours officiel. D'abord, ce soutien est conditionné par la religion de l'Holocauste. Même la légitimité de l'existence de l'État d'Israël ne tient que par cela. Hein, c'est ce qu'on explique aux pays occidentaux, hein, ce que les démocraties occidentales expliquent à leur peuple. C'est que l'État d'Israël est légitime en raison de la religion de l'Holocauste. Voilà. À cause des chambres à gaz magiques, n'est-ce pas ? Ça, c'est le premier truc. Et deuxièmement, on nous dit, ah oui, en plus, c'est une démocratie. Ça, c'est la seconde imposture. Démocratie au sens où on l'entend, c'est-à-dire au sens où on la subit, j'ai envie de dire. Donc, c'est la démocratie, dans les pays occidentaux, c'est antiraciste. Comme en France. C'est-à-dire que le dernier arabe qui arrive, Gérald Darmanin, lui donne un titre de séjour. 5 ans plus tard, il est naturalisé par la République et ceux qui la contrôlent. Et Mokhtar a autant de droits que vous, dont les ancêtres sont présents depuis des millénaires en France. Bien. C'est comme ça qu'est présentée la démocratie. Hein. Quand vous regardez la démocratie israélienne, c'est très curieux, ça ne marche pas du tout pareil. C'est un État qui est entouré par un mur de protection. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas rentrer librement en Israël, mais pas du tout, quoi. D'accord. Et vous voyez que si vous prenez la Palestine comme zone géographique, il y a 7 millions de juifs, il y a 7 millions d'arabes, sauf que d'un côté, il y a 7 millions de juifs qui ont tous les droits. Effectivement, ils peuvent avoir leur petite vie, leur truc, machin. Puis à côté, t'as 7 millions, grosso modo, de gens qui vivent dans des camps de concentration, quoi. Grosso modo, c'est ça. Gaza, c'est un camp de concentration, hein. Ni plus ni moins, hein. Donc, je veux dire, une démocratie comme ça, en France, excusez-moi, on applique le même système, on dit, voilà, nous, les Français de souche, on est les seuls légitimes en France, ça m'irait très bien, je veux dire, je ne suis pas antiraciste, mais je veux dire, si on disait ça, si on disait, voilà, en France, on va créer un système, ça sera une démocratie, il n'y aura que les Français de souche qui pourront voter. Donc, les 10 millions de musulmans, là, ils n'ont pas le droit de vote, d'accord ? Ils ne peuvent même pas sortir de leur quartier, ils sont surveillés, il y a l'armée, il y a des checkpoints, ils contrôlent et tout, voilà... De temps en temps, on fait des raids avec l'aviation, on balance des bombes au phosphore justement sur la Castellane, vous voyez, des trucs comme ça, et voilà, on en exécute régulièrement. Voilà. Et on dit, voilà, voilà, nous, on est une démocratie. On est la démocratie la plus avancée d'Europe. Vous voyez. Mais attendez, la juiverie internationale serait en train de hurler à la résurrection du national-socialisme. On serait sous embargo. C'est évident. Donc, vous comprenez ? Donc, quand on nous dit voilà, qu'il faut absolument se mobiliser pour l'État d'Israël, là, il y a une imposture, là. Ça ne tient pas la route. Il n'y a aucun État européen et aucun État blanc qui pourrait se permettre le dixième de ce que fait Israël. Sans encourir l'accusation de racisme, etc. Or, si vous regardez bien, même évoquer le système de fonctionnement de l'État israélien en utilisant le mot « apartheid », c'est considéré déjà comme une forme avancée d'antisémitisme. Ce qui rejoint une autre mesure. Il y a une embrouille récemment en Alsace, à Strasbourg, si vous vous rappelez, la maire arménienne de Strasbourg, en fait, qui courtise hein, les musulmans hein, de sa ville, les Turcs surtout, a refusé de signer la définition d'antisémitisme telle qu'arrêtée pour, j'oublie le nom de l'organisme, c'est un organisme juif. Enfin, de toute façon, c'est fait pareil pour les juifs, dans lequel, en gros, tu ne peux rien dire sur les juifs, jamais. Et tout spécialement à propos d'Israël. Donc si tu dis Israël est un état d'apartheid, c'est de l'antisémitisme. Alors c'est extraordinaire, c'est-à-dire, et en fait ils sont en train de faire signer déjà, au Parlement européen, à l'Assemblée nationale française, Macron a fait signer ça, ils vont carrément dans les villes maintenant, ou les régions, les départements, ils font signer ça tout, c'est vraiment, tu prêtes serment d'allégeance à la suprématie juive, tu admets que les juifs ont le privilège de disposer des autres peuples comme bon leur semble, et que tu ne peux rien dire face à ça. Et tu le reconnais ce droit-là. C'est ça leur définition d'antisémitisme, absolument ahurissant. Donc tu ne peux pas dire que voilà, l'État d'Israël pratique l'apartheid. Voilà. Donc c'est plus compliqué en fait qu'il n'y paraît de juste dire voilà, on soutient la Palestine. C'est pas la question de soutenir la Palestine ou les Palestiniens ou je sais pas quoi. C'est de voir comment ce système fonctionne, comment il nous aliène. Ça m'intéressait dans la façon dont les choses sont présentées, quoi. Et alors, du coup, en conséquence, et quand ils font sauter un building avec tous les médias, vous imaginez, quoi. Ils donnent 20 minutes aux journalistes pour se tirer, quoi. Y a pas de condamnation. La France a même pas condamné ce truc. Je veux dire. C'est ahurissant, parce que le journaliste, par définition, c'est une vache sacrée, d'habitude. Je veux dire, t'en prends un journaliste. On en kidnappe deux, je sais pas où, sur la planète, et les mecs te font du baratin pendant 1000 jours jusqu'à ce qu'ils les libèrent. Ouais, bah comme Israël récemment en Mali, là, avec le français, enfin le français, oui, d'origine français, africaine. Français, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Israël peut attaquer un navire de guerre américain, l'USS Liberty, tuer 34 soldats américains, et puis en fait, non, c'est bon. Imaginez maintenant. Ah, puis dire, en fait, c'était une erreur. Ce qui est faux d'ailleurs, hein. C'était pas une erreur quand ça s'est passé. Vous pouvez aller sur Google, il n'y a pas de souci. C'est pas les sources d'extrême droite que vous voulez. Hein. Imaginez maintenant les Français qui attaquent un navire de guerre américain par erreur et qui disent, ce ne sera pas la même chanson. Hein. Exactement, ouais. C'est vrai que c'est incroyable l'étendue du deux poids de mesure. Enfin, on vous explique tous les jours que la France est un pays raciste, hein, ce que veut dire le racisme systémique. Et quand on voit ce qu'ils font en Israël, enfin, ils butent de l'arabe à gogo, ils plastiquent les immeubles des journalistes, enfin, c'est personne ne bronche. Non, même pas. Et oui, t'as le racisme systémique, le privilège blanc, etc. Mais le seul État que j'identifie actuellement pratiquant le racisme systémique et un privilège racial, c'est l'État d'Israël. C'est un fait. Je n'ai rien contre intellectuellement, si vous voulez, d'avoir un État raciste, si vous voulez. Mais la différence, c'est que les États européens n'ont volé leur terre à personne. Vous comprenez ? Je veux dire, les Français n'ont pas volé la France à qui que ce soit. D'accord ? Ou les Allemands, ou voilà. Les Juifs sont carrément arrivés en Palestine, ils ont procédé à un nettoyage ethnique à grande échelle, ils ont parqué ces millions et ces millions d'Arabes dans ce qui sont des zones de peuplement sous surveillance, des camps de concentration à ciel ouvert. De temps en temps, ils ratonnent à fond. Et on a encore la presse française, la diplomatie française qui pousse pour nous présenter ce truc comme une espèce de démocratie libérale, universaliste, ouverte sur le monde. Enfin, moi, quand je lis la description qui est faite de l'État d'Israël par la LICRA, je me frotte les yeux de retrouver les mêmes dans les prétoires pour accuser des petits Français de racisme. On se frotte les yeux. Si on appliquait, en fait, ce qui se passe en Israël, en France, eh bien, quand les jeunes de banlieue tirent des mortiers sur la police, on répondrait en bombardant les bars des cités. Hein et quand les associations de gauchistes arrivaient pour chialer, bah on plastiquerait les immeubles des associations, quoi. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est pour faire un parallèle. Hein. C'est voilà. Il n'y aurait pas de réaction à l'ONU. Au contraire, on aurait des chiés de mecs pour nous défendre et nous aider et nous envoyer du pognon aussi. Ça serait magnifique. Moi, j'en rêve tous les jours. Alexis. On disait tout à l'heure Israël était entouré par un mur. C'est vrai, il y a aussi l'hostilité avec le Liban. Mais quand Donald Trump a voulu développer le mur, qu'il a fait en partie d'ailleurs avec la frontière sud, avec le Mexique, il a été traité de tous les noms, etc. Mais en fait, sachant que ça se fait tout à fait en Israël, enfin, c'est l'hypocrisie, le deux poids, deux mesures total. Puis je voulais aussi revenir sur Manuel Valls, parce que Valls est effectivement maintenant ultra-sioniste, éternellement lié à Israël de par son mariage, enfin, ou son ancienne épouse désormais. Mais il y avait Emmanuel Ratier qui avait fait un travail d'investigation sur Valls, qui avait écrit un livre sur lui, Le vrai visage de Manuel Valls, et qui avait réussi à retrouver une vidéo dans laquelle Manuel Valls se réclamait donc du soutien au peuple de Gaza, et oui. Dans lequel on le voyait même planter un arbre de la paix en hommage et en soutien à la Palestine, etc. On voit bien que là, les convictions de ces gens-là, bon, ça va avec leur portefeuille et leur carrière, quoi. Absolument. Oui, ça c'était à Évry, ça, quand il était maire là-bas, il courtisait les bougnoules, et il y avait du drapeau palestinien, etc. à gogo. Et puis quand il a voulu changer de ligue, hein, passer de la Ligue 2 à la Ligue 1, il a compris qu'il fallait... C'était pas tout à fait le même drapeau qu'il fallait agiter, tu vois. Ouais, c'est souvent le c'est cas, ça, d'ailleurs. C'est exactement ça. Il passe de départemental à national, ça change, ouais. Voilà. Bizarre. Si tu veux être maire d'une commune de banlieue en Île-de-France, t'agites le drapeau palestinien. Si tu veux être ministre, il faut changer, hein, c'est clair. Et il est partout, là, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Il a repassé les Pyrénées, ça y est, c'est bon, il est revenu, ok. La rumeur dit, c'est insistant, ça me paraît probant. Alors, de là à y parvenir, c'est autre chose, bien sûr. Mais il veut le ministère des armées. Alors, je ne sais pas ce que vous en faites, mais quand vous voyez ce type, parce qu'il était sur BFM, hein, d'ailleurs avec Bernard-Henri Lévy. Henri Lévy a eu une longue interview avec Apolline de Malherbe, là, où il a pu très longuement expliquer pourquoi les Juifs devaient régner sur la Terre. Tu vois, et Valls était passé un peu avant. Et il se félicitait de l'interdiction décidée par Darmanin de la manifestation pro-palestinienne, qui a eu lieu d'ailleurs. Bon, mais, je veux dire, il voulait vraiment signifier que c'était interdit, quoi. Parce que les Juifs ont un petit peu peur de leurs amis musulmans, enfin de leurs anciens amis musulmans. Et il est là, il dit oui, il fallait interdire, etc. Toujours aussi haineux. Puis, tu sais, il a ce truc dans les yeux, quoi. Ce type a un problème, quoi. Il n'est pas net, quoi. Et alors, ce gars rêve d'obtenir le ministère des armées. Et il y a tout un effort de sa part avec Bernard-Henri Lévy, avec Caroline Fourest, avec l'équipe de Charlie Hebdo, Richard Malka, etc., de forcer Macron à adopter une ligne dure face aux musulmans. Aussi contre l'extrême droite, ça va, ce qu'ils appellent l'extrême droite, c'est les petits blancs, quoi, mais... Voilà, une ligne dure, donc une ligne entre guillemets laïque. Parce qu'il soupçonne Macron d'avoir la main un peu molle, pour des raisons un peu électorales, quoi. Puis Macron est un libéral, Macron, il n'est pas tellement. Ça le branche pas. D'ailleurs, vous avez remarqué, il est en retrait, là. Vous avez remarqué, Macron, on ne le voit pas, là. Il ne s'exprime pas, il parle très peu. Et donc, les autres arrivent, il lance la contre-attaque. Et alors, quand je vois Valls vouloir contrôler l'armée française. Après toutes ces histoires de tribunes et tout, là, je me dis, c'est possible qu'on ait bientôt des checkpoints aussi en France. C'est tout à fait possible. Voilà. Si ce mec-là est ministre des armées, l'armée française va être purgée déjà. On va effectivement purger les officiers considérés comme d'extrême droite. Hein. Alors, vous savez qu'avec des gens comme Bernard-Henri Lévy, on est très, très vite classé à l'extrême droite. Hein. En fait, quand on n'aime pas trop les Arabes, en fait. c'est le double standard systématique, ces mecs là c'est, voilà, eux ils ont le droit d'haïr et d'assassiner les Arabes, et par contre toi t'as pas le droit de vouloir et de la purger et ensuite évidemment de la déployer, mais pour servir des intérêts bien compris. Je crois vraiment qu'ils veulent passer en phase dure. Ils se disent voilà, parce qu'ils connaissent la démographie et tout. Alors, pour eux, ils disent, bon, en gros, il faut faire comme en Israël. Voilà. Il faut un système comme en Israël. Donc, le principe des gilets jaunes, hein, voilà, vous faites des nasses, vous déployez des flics, vous tirez au LBD dans les gueules, vous les éborgnez, vous les estropiez, voilà. Mais vous systématisez le truc avec l'armée. Voilà, donc la Palestine, quoi. Donc ça commence à devenir bizarre, hein, quand même, moi je vous le dis. Hein. Je rappelle que Darmanin a interdit une manifestation, mais t'as pas eu un supporter palestinien qui s'est pris une balle de RBD dans la gueule, hein. Non, on va quand même pas mélanger un arabe avec un blanc. Un blanc, on peut y aller, l'arabe, encore un peu d'égard. Voilà, il y a mollo, quoi. Non, mais de toute façon, les blancs, c'est en tout dernier. Hein. Bon, les blancs, nous, on est vraiment au fond des chiottes. Alors, un petit peu avant, il y a tous les créatures marrons, là, que le pouvoir caresse un peu dans le sens du poil. Mais quand ça parle un peu trop de juifs, là, le ton durcit. Puis évidemment, bon, les vrais citoyens français, que sont les juifs. Alors là, voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris la hiérarchie. Vas-y, ouais, mais sur Valls, je pense que c'est surtout une histoire d'image, puisqu'il a lieu. Il donne l'impression d'être sévère et tout ça, puisqu'il porte une cravate noire, il est rasé de près, il a l'air sérieux et tout ça, mais tout ça, c'est du vent. Hein. Quand il était ministre de l'Intérieur, il ne faut pas oublier qu'à la justice, c'était Christiane Taubira. Donc, comme avait dit Jean Pen, c'était le flic gentil et le flic méchant, mais en fait, ils poursuivent les mêmes objectifs. Et là, vu qu'il y a pas mal de faits divers, comme dirait Cassoulis, hein, c'est-à-dire des meurtres ou des choses comme ça, bah forcément, on a besoin d'un petit... Enfin, les Français, instinctivement, ont le besoin de rigueur, de sécurité. Et dans l'imagerie, quoi, quelqu'un qui a l'air sévère comme ça, ça peut leur apporter... je fais du théâtre, à mon avis, uniquement. Ouais. D'ailleurs, ce qui se passe à Gaza, c'est des faits divers. Hein. C'est des faits divers. Hein. Là, ils ont balancé un missile sur une famille, ils ont éclaté. Et je veux dire un truc, hein, que les gens comprennent la doctrine israélienne, parce qu'ils ne la présentent jamais comme ça. Il n'y a pas d'histoire de disproportion. La disproportion est recherchée par l'armée israélienne. C'est leur stratégie, que les gens comprennent. C'est-à-dire que le message envoyé aux Arabes, c'est que tu m'en tues un, je t'en tue 100. Intellectuellement, ça peut se tenir, hein, mais il faut savoir que c'est leur doctrine. Donc il n'y a pas d'erreur, si vous voulez... C'est ce que vendent les médias ensuite, quoi. En Occident, ils disent ouais, non, vous savez, voilà, on fait l'effort, on vise les terroristes, vous savez. Donc ouais, bon, c'est parfois malheureusement, il y a, qu'est-ce que vous voulez, c'est une guerre et tout, voilà. C'est ce qu'ils vendent. Mais le message qu'ils envoient aux Arabes est complètement différent. Quand ils s'adressent aux Palestiniens, ils leur disent clairement, les gars, on va vous en buter 10 pour un que vous avez tué de chez nous. Et on s'en fout, c'est des vieux, des gamins, on n'a rien à branler, vous allez vous bouffer ça. C'est encore vrai, c'est ça qu'il faut regarder avec finesse, quoi. C'est le travail de désinformation qui est fait ensuite pour nous vendre cette doctrine-là. Voilà. Après, doctrine voilà, qui est extrêmement brutale, mais qui a sa cohérence du point de vue militaire, mais d'entendre ensuite les meilleurs habibs te dire que c'est une armée morale ou je sais pas quoi, non, c'est ils ont la, enfin ils adoptent la philosophie de Clausewitz, mais ils l'appliquent aux civils. Bon, ils ont une stratégie militaire qui s'apparente aux chasseurs dans la première saison de South Park. Je sais pas si vous vous souvenez. En fait, ils sont dans la forêt et puis ils doivent buter des espèces protégées. Ils peuvent pas. Ils les butent quand même et juste, ils doivent gueuler avant de tirer comme des malades. Attention, ils nous foncent dessus. Comme ça, du coup, hop, légalement, ils sont protégés. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais cette semaine, au moment où ça a commencé vraiment à chier, quand ils ont vraiment commencé à assassiner des Arabes à Gaza. Dans tous les médias, ben là c'est partout, hein, c'est Le Figaro, les télés, ils ont commencé à parler d'une vieille histoire de déportation en 1943. Je sais pas si vous avez suivi ça. C'était partout. Ils se sont mis à parler d'un coup de déportation de juifs, l'Holocauste, ouin, tu vois, je veux dire, c'est extraordinaire, c'est parce que c'est pas juste un média, c'était tous les médias, tu vois, au même moment, le même jour. Et tu dis, ah ouais, ok, ouais, ça c'est... Ah, le hasard fait bien les choses, quoi. c'est juste parce qu'ils se disent, putain, si jamais là, tu sais, les... Bon, évidemment, pas les gens comme nous, mais si jamais le comte gaulois, un peu de gauche, tu vois, il a un peu d'empathie pour les Arabes, il dit, allez, un petit coup de Shoah, là, pour essayer de mitiger un petit peu l'effet psychologique, là, tu vois. Allez, ah, putain, c'est calibré à un point, tu te demandes si le centre de commandement, tu vois, c'est... Enfin, à mon avis, la télévision française est carrément gérée depuis Tel Aviv, quoi. C'est, à mon avis, c'est de ce niveau-là. Hein. C'est la presse libre, guillemets, et indépendante, guillemets. Il y a un téléphone rouge, mais c'est pas avec Washington, en fait. Mais en fait, tu sais, ce que Tzal a fait là, avec le building, là, avec la société de presse et tous les autres médias, c'est jamais que ce que fait Zuckerberg, mais avec des moyens plus durs. Hein. Il lutte contre les fake news. Hein. Tu vois, il supprime des contenus. Tu vois, votre contenu n'est pas conforme au règlement de la communauté. Ouais, voilà, au règlement de la communauté. Voilà, il rase le truc. Non, mais c'est ça, hein. C'est du Zuckerberg, mais avec des moyens militarisés, quoi, c'est tout. Mais ils appellent ça. Non, mais c'est ce qu'ils ont dit, hein, après à l'armée. Ils ont dit oui, mais non, mais ils diffusent des fausses nouvelles. Allez. Non, mais on est vraiment. Alors après, bon, je comprends que les gens aient pas de. Parce qu'après, on subit les Arabes au quotidien. Donc il y a. Et les attaques islamistes. Donc les gens saturent. Il y a une fatigue face à l'islam, à l'islamisation et aux bougnoules qui sont absolument insupportables. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se mettre à aimer les juifs et à leur donner carte blanche pour nous gouverner. Hein. Là, faut pas faire fausse route, quoi. Et malheureusement, par réflexe, ce qu'a fait la droite hein, cette semaine, hein, ils ont poussé à fond pour Israël. Allez les gars, il faut le truc, mais je crois pas que ça résonne des masses dans le public. Franchement, même les mecs excédés par les Arabes et tout, ça les fait marrer, tu sais, quand ils voient des missiles qui rétament des bougnoules, mais ils aiment pas les juifs. Hein, je veux dire, franchement, y a rien à faire, les gens aiment pas les juifs. Hein. À titre personnel, hein, ça n'engage que moi, mais j'ai regardé un peu les victimes des deux côtés là, cette semaine, et j'ai repris deux fois des moules, voilà. C'est tout ce que ça m'inspirait. Bah, à la fin du match, de toute façon, il y a moins de sémites. Pourvu que ça dure, hein. Franchement, pourvu que ça dure. Bon, par contre, la natalité étant tellement dynamique que ça ne suffit pas, si tu veux, voilà. Mais bon. Non, mais après, bon, moi, je suis... Enfin, je veux dire, pleurer sur les Palestiniens, enfin l'espèce de palesténophilie, et ça, bon, non. Ça, c'est vrai que je ne sais pas du tout ma tasse de thé. Quoi. Donc j'ai un regard distancé, nuancé, mais, je sais aussi que les Juifs veulent nous mettre au régime palestinien. Ça, c'est manifeste. C'est manifeste. Quitte d'ailleurs à utiliser, parce que c'est. Il y a ça aussi, c'est que les Juifs, quand ils ont ouvert les vannes de l'immigration, quand ils ont créé tout ce discours antiraciste, quand ils ont monté leurs associations pour ensuite criminaliser ceux qui s'opposent à l'immigration, ils voulaient utiliser les immigrés afro-musulmans comme une arme par destination contre les populations autochtones, contre les petits Français. Et ma foi, principe du judo, moi je ne suis pas contre utiliser... quand c'est possible, hein, les Arabes comme arme par destination contre ceux qui nous agressent, à savoir les Juifs. Voilà. Tu vois ? Un golem ennemi, j'ai envie de dire. Voilà. Enfin bon. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus ? Repensez moi, pas. Mon Jéroboam est prêt. C'est-à-dire que le jour où nos copains arabes décident de s'occuper du CRIF, de la LICRA et des autres, le Jéroboam est à la cave, je vous invite, on ouvre la bouteille. Okay. Bah de toute façon, je veux dire... ça veut rien dire d'être pour contre les Palestiniens, déjà parce qu'on n'est pas concerné directement, enfin... C'est par effet d'entraînement, voilà. C'est en raison de l'immigration juive et de l'immigration par le haut et par le bas, on est entraîné. Mais de toute façon, dans les villes françaises, il faut bien comprendre que l'état de remplacement de population est tel que, dans ces villes-là, l'affaire est entendue. Quoi. D'ailleurs, les juifs jouent un jeu dangereux hein, quand ils interdisent comme ça les manifestations et tout. Provoque vraiment les Arabes. Je ne sais pas exactement où ils veulent vraiment en venir, mais ça va vraiment mal se terminer. Hein. Parce que là, il y a un tel, enfin, en Île-de-France, il y a un tel rapport démographique. Je veux dire, il y en a des millions, quoi. Donc, bon, je sais pas. Mais dans l'affaire, justement, des manifestations, les seuls blancs que j'ai vus, moi, c'était les flics qui étaient commandés par les juifs pour tabasser, tu vois. Donc, t'es vraiment, tu vois, t'es le groom service, quoi. Il n'y a plus de blancs, hein. C'est, voilà. Hein. Toi, t'es, voilà. C'est... Ok. Hein, la société multiculturelle, bah, ouais. Alors, les gars... On m'avait dit ouais. Petite chose, quand, il y a quelque temps, Philippot, quand il était au FN, avait affronté Manuel Valls en débat, puis il lui avait dit « Des immigrés, on aimerait aussi qu'ils soient éternellement liés à la France, n'est-ce pas, Monsieur Valls, avec un clin d'œil ?» Ah, il avait osé ça, Philippot ? Oui, il avait, c'est toujours sur YouTube, c'est donc Valls avait eu un rictus, il était sur le point d'éclater de rire, et puis il a dit « Oui, je vois à quoi vous faites allusion et tout ça, voir le culot de ces gens-là. Ouais. » C'est bizarre que ça l'ait pas plutôt fait éclater de rage, mais bon. Parce qu'il est, haineux, Valls. Hein. Ça, ce mec-là est vraiment haineux. Hein. Il revient nous hanter. C'est, ouais. c'est clair qu'il se prend pas pour de la merde. Eh ouais. Eh ouais. Alors, messieurs, alors maintenant, dernière rubrique. Dictature sanitaire, faut bien qu'on en parle, hein, de... de notre palestinisation, parce que qu'on apprécie ou pas les Palestiniens, c'est pareil, on sera mis au même régime. Ils vont nous foutre des checkpoints pour, j'y crois, ouais. pour la guerre raciale et pour le Covid. Ça dépend mais moi, j'y crois. Non, mais j'y crois vraiment. Hein. C'est ce qui va, ça va se terminer comme ça. J'y crois vraiment. Bah, alors, on n'en est pas loin, puisqu'on nous met déjà des restrictions de 10 km autour du domicile. Bah oui. Parlons-en, justement. Alors, première grande mesure, d'ailleurs, c'est ces trucs passent comme une lettre à la poste, c'est à peine relevé, alors que c'est juste énorme. Alors, là je cite un article de LCI. « L'Assemblée nationale a finalement adopté dans la nuit de mardi à mercredi le projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence après une journée agitée par la fronde du MoDem. Tout est bien qui finit bien pour la majorité gouvernementale. Mardi après-midi, l'article premier du projet de loi de sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire avait été rejeté dans un premier temps par l'Assemblée, grâce notamment au vote d'élus MoDem. Finalement, à l'initiative du gouvernement, après une nouvelle demande de libération nocturne, le texte a été voté, 208 voix contre 85, donc 208 pour, 85 contre. L'exécutif a dû lâcher quelques concessions pour satisfaire notamment ses alliés de la majorité. » Sous la pression des centristes, le gouvernement a finalement proposé de réduire d'un mois la durée du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire, la période de transition durant laquelle des restrictions de liberté seront encore à la main du gouvernement s'étendra jusqu'au 30 septembre 2021 au lieu du 31 octobre, date initialement prévue pour la première mouture du projet de loi. Entre le 2 et le 30 septembre, le Premier ministre pourra prendre par décret et en s'appuyant sur les préfets des mesures lorsque la circulation du virus sera active. Ainsi, l'article 1er du projet de loi lui permet de continuer à décréter un couvre-feu jusqu'au 30 juin inclus, entre 21h et 6h maximum. Il peut également réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage. L'accès au territoire, donc depuis l'étranger, hein, pourra être autorisé à la seule condition d'un résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19, un justificatif de l'administration d'un vaccin contre le Covid-19. En revanche, les informations relatives au passeport sanitaire n'ont pas été réécrites entre les deux votes. Il a donc été acté que l'accès à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou de salons professionnels, se fera par la présentation d'un résultat négatif d'un dépistage au Covid-19 ou d'un justificatif prouvant que l'individu a reçu un vaccin. Donc voilà pour cette adoption. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Qui veut réagir ? Alexis. Oui, bah disons que ça existait déjà une forme de passeport vaccinal pour aller dans certains pays ou certaines régions d'Omtom, par exemple la Guyane française, faut avoir le vaccin contre la fièvre jaune notamment, mais qui est une maladie très létale, et semble-t-il, le vaccin fonctionne sur cette maladie ou protège. Mais dans le cas du Covid-19, l'imposition d'un vaccin pouvait se faire que par l'idée que il n'y a pas de traitement. mort, il y avait certainement des traitements. Et bon, bref, mais en tout cas, on est dans le système maintenant du passeport sanitaire avec évidemment une partie du... Ça fait le lien avec Beyrouth dont on a parlé tout à l'heure, puisque le MoDem, qui dans un premier temps avait voté contre le pass sanitaire, a été fondé par ce François Beyrouth. Donc là, et puis également l'absence de aucun député Rassemblement National n'a participé à ces délibérations, aucun n'a voté contre, par conséquent, puisqu'ils étaient tous absents. Donc une opposition en carton pâte qui ne mérite même plus le nom d'opposition. Tout à fait. Je relève que Jean-Luc Mélenchon a voté contre l'instauration du passeport sanitaire, le passeport intérieur donc. Il faut le relever, je veux dire, moi je suis pas un ami ni un admirateur de Jean-Luc Mélenchon, mais bon, c'est à mettre à son crédit. L'objectif du passeport sanitaire, assez simple à comprendre, au prétexte de mesures préventives pour limiter la circulation du virus, la liberté de circulation et de réunion est soumise à l'approbation des autorités. Donc, de fait, si vous voulez, le droit de manifester, le droit de se réunir dans un endroit, tout ça, c'est soumis à l'approbation de l'État. Voilà. Et en fait, c'est un formidable prétexte, parce que, évidemment, quand on vous met des critères extrêmement difficiles à remplir, la distance entre les personnes... présenter leur certificat de vaccination, enfin démontrer qu'on a été vacciné, etc., etc., le port du masque éventuellement et tout, ça casse nécessairement la spontanéité de certains rassemblements. Donc le véritable objectif est d'empêcher des troubles civils, en fait, hein, des troubles sociaux, des formes de contestation qui pourraient être incontrôlables compte tenu du contexte général, hein, dans lequel se trouve le monde occidental et la France en particulier. Donc là, si vous voulez, l'État peut a priori tout interdire, sauf les événements qu'il estime sans danger. Voilà, ça c'est le grand acquis. Donc c'est vraiment un passeport, c'est un passeport intérieur, c'est une pratique qui avait lieu en Union soviétique. Hein. Ça a été instauré en Ukraine avant le génocide d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc voilà, c'est vraiment un passeport intérieur. Alors, qui très vite sera couplé avec un passeport extérieur, en raison, pas simplement le passeport, le fait de voyager, mais le fait de pouvoir accéder à d'autres pays, etc. Donc là, ça sera complètement soumis à une entité européenne, probablement. Bon, voilà, enfin, je veux dire, voilà. Ça va changer considérablement les choses, hein. Vous ne pourrez pas aller à la fête de la saucisse comme vous voudrez. Hein. Même un truc aussi banal que ça, hein. Par contre, les commémorations de l'Holocauste ou les manifestations Black Lives Matter, là, c'est bon, vous pouvez y aller. A priori, je pense. Donc ça, c'est d'une. Bon, c'est passé comme une lettre à la poste, hein, faut pas se mentir. Alors, il y a un autre truc, là, je vois ça, c'est avec le variant indien, on commence à parler d'une quatrième vague. Je sais pas si vous avez suivi ça. C'est un extrait du Figaro, là, que je vous lis ça. Alors, y a un long article, mais c'est paru hier, samedi. Alors, à l'aube d'une quatrième vague, point d'interrogation. En France, nous devons être particulièrement vigilants à ce qui se passe au Royaume-Uni, sinon il nous arrivera la même chose, alerte le professeur Jilali Anan, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine. Si pour l'instant le variant indien circule peu sur le sol français, dont la grande majorité des épisodes déclarés à ce jour est liée à des cas de retour d'un séjour en Inde, selon Santé publique France, il ne faut pas le négliger. Pour le professeur Jilali Anan, on pourrait être dans la même situation qu'au mois de janvier dernier avec le variant britannique et se retrouver confronté ainsi à une flambée épidémique au mois de septembre prochain. Si on ne fait rien, dit-il, l'épidémiologiste appelle donc à passer à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut des mesures de dépistage massif et un isolement très strict en cas de résultat positif du variant indien. Si la capacité de séquençage est souvent critiquée en France, elle doit être largement renforcée en s'appuyant sur la force britannique. En effet, nos voisins d'outre-Manche sont précurseurs et ont investi largement dans cette technique scientifique devenue essentielle pour mieux repérer l'apparition et la propagation des variants émergents. Il faudrait même organiser cela au niveau international, complète le professeur Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Alors Crémieux, oui, c'est pas français. Aujourd'hui, il faut une transparence absolue entre les scientifiques du monde entier pour un meilleur partage des connaissances, blablabla. Alors, on nous parle même, l'article continue en évoquant la possibilité de vaccins moins efficaces face aux variants. Alors, franchement, hein, ceux qui pensent que voilà, ils sont vaccinés deux fois, c'est terminé, on va retrouver notre vie normale et tout, ben, on est déjà en train de parler de quatrième vague, hein, voilà. En sachant que la troisième a très peu tué, hein. C'est un plateau, hein. C'est un plateau, il n'y a pas eu de pic ou quoi, ils ont parlé de saturation et tout. Vous regardez le plateau officiel, hein, du nombre de morts, c'est un plateau, c'est un plateau. C'est à peu près 300 morts par jour, rien d'ingérable, hein. Souvent, encore une fois, souvent des personnes âgées, etc. Voilà, bon, on en est déjà à la quatrième vague. Alors pour vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que pour vous, comme on le dit, est-ce qu'au mois de juin, c'est bon, enfin au mois de septembre, parce que c'est ça les dispositions votées, mais disons, au mois de juin, est-ce qu'au mois de juin, on sort de l'état d'urgence, c'est possible d'ailleurs, et on en a fini, c'est terminé, tout recommence comme avant. Comment vous voyez ça? Bah non, bien sûr que non. On sait très bien qu'il y aura un pass sanitaire, on sait très bien qu'il y a des restrictions qui vont rester. Je pense qu'ils vont alléger un peu en juin, mais après, c'est vrai qu'ils nous mettent déjà dans les rails, une possible quatrième vague. Donc moi, je dirais aux gens, si vous voulez partir en vacances, faites-le en juillet. Parce qu'honnêtement, en août, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas s'il n'y aura pas de nouvelles restrictions. Donc voilà, donc je rappelle les symptômes d'une quatrième vague. Alors d'abord, vous avez un nombre croissant d'articles dans les journaux à propos de la quatrième vague. Puis ensuite, ça monte au niveau des politiques. Et généralement, 2 semaines après, vous avez un nouveau confinement. Donc si vous voyez ces symptômes se produire, bon, vous saurez à quoi vous attendre. Oui, et à propos de ces variants, là justement, ça fera le lien peut-être avec quelque chose qu'on dira tout à l'heure, mais le fameux prix Nobel Luc Montagnier a dit que les variants étaient la cause des vaccinations, que le virus s'adapte face à une barrière ou quelque chose de. Et que par conséquent, vu qu'on a beaucoup vacciné en Angleterre, il y a eu le variant anglais, en Inde, la même chose. Et d'après ce qu'on nous explique maintenant, ça commence à être reconnu, c'est que certains vaccins ne permettent pas de protéger les gens contre ces variants. Par exemple, les Anglais s'inquiètent beaucoup, puisque l'AstraZeneca, qu'ils ont utilisé beaucoup, ne permettrait pas de lutter contre le variant indien notamment. Et eux, sont déjà peut-être ou touchés par ce variant indien, puisqu'ils ont une forte population indienne, donc une forte population qui font l'aller-retour entre le Royaume-Uni et l'Inde. Donc toi tu dis que le professeur Monsigny dit en fait que la vaccination booste l'apparition de variants. Oui, exactement. Luc Montagnier a dit ça dans un entretien Hold Up, vous savez, qui ont fait le documentaire fameux, qui font aussi des petits entretiens comme ça, c'était relié par exemple, par égalité et réconciliation et tout ça. Oui, il a dit les variants viennent des vaccinations, c'est très simple. Donc ça recoupe aussi ce qu'avait dit notamment le docteur Van den Bosch, qui pourtant travaillait pour Gavi, donc Bill et Melinda Gates pendant longtemps, et qui avait dit que vacciner en période épidémique, ça créait l'échappement immunitaire, c'est-à-dire que le virus se transformerait. Bien qu'il ait probablement une dimension artificielle, en partie naturelle, en partie artificielle, mais en tout cas, il sera en mesure de s'adapter et de contourner les barrières et de. Voilà. Donc, on ne vaccine pas en période épidémique. Or, nous avons vacciné en période épidémique. Donc, voilà. Donc, c'est la cata. Il y a un autre scénario aussi, mais on en a parlé tout à l'heure de la possible origine humaine, origine artificielle du Covid-19. Mais dans le cas où cette dissémination serait malveillante, je vois pas ce qui empêche les gens qui ont disséminé la première souche d'en libérer d'autres, hein, d'autres variants. Donc là encore, bon, hypothèse, hein, mais. À voir. Oui, bah, Oui, moyen. Tiens. Vas-y, parlons je de t'en ça prie. justement. Là, il y a un truc qui vient un peu de. C'est dans Le Figaro, hein. C'est pas une source complotiste. Voici ce que nous dit l'article du Figaro. C'est sur l'origine du virus. Et si les complotistes n'étaient finalement pas si fantasques que ça? Dans une lettre publiée le 13 mai dans la revue américaine Science, une vingtaine de scientifiques attestent que l'hypothèse de l'origine accidentelle du virus, qui pourrait s'être échappée du laboratoire de Wuhan en Chine, a été écartée à tort. En mai 2020, l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé, chargée d'étudier l'origine du virus, avait ainsi évalué l'hypothèse du débordement zoonotique comme probable, voire très probable, au détriment d'un incident humain extrêmement peu probable, sans qu'il n'y ait pourtant aucune conclusion qui favorise clairement une propagation naturelle ou un accident de laboratoire, estiment les scientifiques. Or, cette conclusion a été donnée, selon eux, par la partie chinoise de l'équipe de l'OMS. Les deux hypothèses n'ont pas reçu la même considération, pointent les chercheurs dans leur correspondance. Cette publication survient à peine quelques heures après la divulgation sur Twitter de trois travaux universitaires menés entre 2014 et 2019 à l'Institut de virologie de Wuhan, diffusés par le compte d'un scientifique anonyme. Les trois mémoires restés jusqu'à présent dans les archives, malgré les informations d'importance qu'ils contiennent, mentionnent notamment des incohérences avec les données fournies par donc le même laboratoire depuis le début de la pandémie sur le nombre et la nature des coronavirus conservés au laboratoire et sur les expériences conduites sur ces virus. Selon plusieurs experts consultés par Le Monde, les travaux universitaires remettent même en cause l'intégrité des séquences génétiques virales publiées ces derniers mois par l'institution de recherche de Wuhan pour expliquer l'apparition du virus. Des scientifiques américains de haut niveau appellent ainsi à une enquête transparente et objective, invitant à ne favoriser aucune hypothèse tant que davantage de données n'ont pas été recueillies. Parmi les signataires, le microbiologiste David Rallman de l'université Stanford et le virologue Jesse Bloom de l'université de Washington, mais également Ralph Baric, microbiologiste comptant parmi les meilleurs spécialistes mondiaux des coronavirus et qui a déjà étroitement collaboré avec le laboratoire de Wuhan. Alors messieurs, tu parlais du professeur Montagnier. Il avait dit que ce virus, ça c'était au printemps 2020, donc quand il y avait le confinement, le premier j'entends, il avait dit, voilà, on a regardé un peu à quoi ça ressemble, et ce virus, c'est absolument incontestable, a été manipulé en laboratoire. Quand il a dit ça, il s'était fait insulter à la faveur d'une très virulente campagne de presse, et on avait retrouvé en tête donc, la petite équipe des Juifs, de Conspiracy Watch, c'est-à-dire Tristan Mendès France et Rudi Reichstadt, qui officient ensuite sur France Culture et France Inter, donc enfin Radio France, qui est, comme je l'ai déjà dit, qui est un bastion juif. Hein. Et il l'avait diabolisé, tourné en ridicule, bon, qui est quand même un prix Nobel, je veux dire. Quand même un prix Nobel. Donc quand il s'était avancé en disant que c'était le fruit d'une manipulation en laboratoire, enfin que le virus lui-même avait été manipulé en laboratoire, des clowns juifs payés pour mentir étaient sortis de nulle part pour le discréditer. Ça, c'est d'une. Ensuite, quand on a évoqué l'hypothèse, et nous, on a dû l'évoquer il y a plus d'un an, de la fuite d'un laboratoire, on était traités de fous. Hein ? Officiellement, ça venait des chauves-souris ou du pangolin. Vous vous rappelez de cette histoire ? Mais ça ne dites pas de mal du pangolin. Voilà. Et c'était, voilà, on ne pouvait pas en parler, c'était délirant, c'était des théories conspirationnistes, complotistes. Oui, sauf que si ces gens ont passé autant de temps à essayer de couvrir cette fuite, alors les Chinois, je peux comprendre, hein, parce qu'il y a une question de prestige national, ils ne veulent pas être accusés d'être responsables de la fuite, donc c'est ce qui explique probablement les efforts pour couvrir l'origine. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce laboratoire a été cofondé par Yves Lévy. Et qu'il a été inauguré non seulement à la présence d'Yves Lévy, donc le mari d'Agnès Buzyn, et de Bernard Cazeneuve, qui est un sioniste fou. Fou. Il a même plaidé contre nous pour nous faire interdire. Pour faire interdire la démocratie participative. Donc ces gens ont quelque chose à cacher. Et ils ont mobilisé tout le réseau juif pour enterrer l'affaire. Alors maintenant, il est exhumé, à mon avis, pour une raison très simple. Les Américains veulent faire chier les Chinois, donc ils veulent tout mettre sur le dos des Chinois. À mon avis, ça n'a rien à voir avec des Chinois, et tout à voir avec un petit peuple qu'on n'a pas le droit de nommer, hein, sans avoir de très gros problèmes. Ça me paraît à peu près évident ce qui est en train de se passer. Ça me paraît à peu près évident. Il y a un effort de maquillage de ce qui déroulait, et j'ai regardé hein, le compte Twitter de Mendès France, je me rappelle très bien de ce... Qui traquait les gens pour les insulter, les dénigrer, les gens qui évoquaient l'origine du fameux virus, avec l'hypothèse du laboratoire. Et Tristan Mendès France a mené une campagne contre ceux qui soutenaient cette thèse. Donc vous voyez, c'est ces juifs qui saturent les médias de leurs mensonges, ils ne rendent pas de compte. Où sont les excuses de Mendès France? Nulle part. On n'entendra jamais parler. Hein, il va continuer à déverser ses accusations et continuer à sévir à la radio française, bien évidemment, hein, couvert par la tribu. Donc voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous allez en dire de ça, de l'origine, voilà, mais ça me paraît pas très clair. Quoi. Alors, j'ajoute juste un truc, hein, mais si ça provient d'un laboratoire en première phase, on peut très bien imaginer, comme le disait Porovitch, que dans un deuxième temps, balancer quelques variants ici ou là, hein, c'est pas très difficile. Hein. Si ça permet d'atteindre certains objectifs. Ben justement, à propos des variants, là, je m'écarte un tout petit peu, mais je reviens un peu en arrière plutôt. Mais à propos des variants, j'ai sous les yeux un article qui est paru aujourd'hui dans le journal belge Le Soir, l'équivalent de Le Monde. Je ne vous donne pas le titre de l'article parce que ce que je vais vous lire résume tout. Écoutez ça. Une question est actuellement l'étude. Deux points, ouvrez les guillemets. La probabilité qu'on ait besoin d'une troisième dose est assez élevée, car le nombre de variants se multiplie, fin des guillemets, explique Sabine Storder, co-responsable de la Task Force Vaccination, ouvrez les guillemets, à l'avenir, avec l'ouverture des frontières, on sera probablement insuffisamment protégé. Cette troisième dose sera donc une formulation modifiée pour tenir compte des différentes souches en circulation. Rappelez-vous, tout à l'heure, Alexis a soulevé le point de je ne sais plus quel professeur qui disait, voilà, les variants viennent de la vaccination. Souviens, Alexis. Donc, ici, on te parle déjà en Belgique, et ça va certainement venir en France, ben, que pour parer à ça, ben, on va encore vacciner plus, quoi. C'est ça, tu vaccines, ça crée les variants, on vaccine plus, ça va créer encore plus de variants, etc. Le cycle est lancé, quoi, bien sûr, mais oui. Voilà, et alors elle parle avec l'ouverture des frontières, ce qui est assez, quand même assez comique, quoi. Hein. L'ouverture des frontières pour qui, au fait? Pour les couillons, là, qui les couillons d'Européens, d'Ariens, qui croient dans toute cette imposture. Non, mais disons qu'il est tout à fait possible qu'on soit rentré dans le domaine de la guerre bactériologique depuis le début du XXIe siècle, peut-être avant, mais il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Jolland, J-A-U-L-E-N-T, qui a fait un entretien pour François. Vous pouvez regarder l'entretien, il a aussi écrit un livre, il a le courage quand même de s'afficher face caméra. Il a relevé des infos, par exemple, des essais ont été faits en impliquant des oiseaux et des matières fécales d'oiseaux, des oiseaux qui ont été lancés dans un champ clos, où il y avait des vaches, bon, et les vaches sont mortes très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans le monde depuis un certain nombre d'années des essais comme ça qui se font sur des vieux. Ah, mais il y a une, c'est des informations qui sont top secret, donc il y a une totale transparence. Alors il se peut effectivement que dans le cas de Wuhan, il y ait eu soit par erreur, soit par volonté, quelque chose qui soit répandu, pas seulement une fois d'ailleurs, mais peut-être un peu partout, c'est vrai. Donc ça c'est une chose puis aussi une toute petite parenthèse, c'est que il y a dans le monde francophone il y a deux personnes qui ont beaucoup parlé de l'origine artificielle du virus, il y a Montagnier et puis aussi Fortillan, un petit mot sur Fortillan puisque donc il avait pointé du doigt l'Institut Pasteur et donc après avoir été mis dans l'hôpital psychiatrique, il a été emprisonné et là il a été interrogé le 10 mai, il y a une foule qui est venue le soutenir mais il n'a le droit de voir que son avocate. Et il est toujours en prison de façon indéterminée. Il sera de nouveau entendu, prétendument pour des histoires antérieures, mais qui avaient pourtant été déjà jugées au mois de mars. Donc jusqu'à présent, il est en durée indéterminée en prison, à la prison de la santé. Oui, puis il a un certain âge, ce monsieur. 78 ans, voilà, traité comme cela. Il n'a même pas le droit de téléphoner à sa femme. Ouais, voilà, donc vous imaginez. Hein, alors, donc il a pratiquement 80 ans, il ne peut pas parler à sa femme, il est en détention comme un bandit de grand chemin. Bon, c'est... Et pendant ce temps-là, vous avez Mendès France qui dit la vérité sur France Inter. Bon, voilà, la plèbe écoute les médias juifs. Bon, ils se font berner. Alors, tu parlais de Pfizer, Fulbert. Bon, bah, Pfizer, vous savez très bien qui est à la tête de Pfizer. C'est Monsieur Bourla, hein, qui vient de la Grèce, mais qui ne va pas à l'église. Hein. Et qui avait annoncé il y a 2 mois, on en avait parlé, que voilà, hein, 3 doses, c'était le régime obligatoire. Mais 3 doses pour une année. Et il faut bien comprendre que les gens là, on est en train de les mettre dans ce qu'on a décrit ici. Hein. Bon voilà, on a parlé du Great Reset et du grand projet. C'est... Voilà, c'est-à-dire que vous allez devoir vous faire piquer régulièrement. Bon, ils vont ajouter ensuite des critères. Ça. L'idée, c'est de créer un précédent. Bon, il faut se faire piquer en permanence. Donc, vous devrez constamment être réévalué. Ensuite, vous ne pouvez plus aller où vous voulez. Il faut se faire piquer. C'est conditionné, vous voyez. Et là, moi, ce que je vois, c'est une phase plus dure de la domestication des masses. Plus active, en fait, de la domestication des masses. Vous savez, c'est comme quand on dresse un chien. Quand on dresse un chien, vous lui demandez de faire une performance. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être de lever la patte. Et puis ensuite, il y a la récompense. Et au bout d'un moment, ça devient un automatisme. Vous lui dites « lève la patte », il le fait automatiquement parce qu'il attend la récompense. Et là, c'est exactement la même chose si vous regardez l'évolution. C'est-à-dire que les confinements se succèdent et on a bien rendu la chose pénible. C'est douloureux, c'est pénible, c'est usant psychologiquement. On use les gens. Puis ensuite, avec ce troisième confinement, c'est un peu différent. Là, on leur dit « attendez, là, on a une solution miracle. Là c'est le passeport. » Ah bon, d'accord, ouais, il faut se faire vacciner. Ah d'accord, ok. Et si j'accepte de me faire vacciner, d'avoir le passeport, donc grosso modo d'être comme un animal domestiqué, hein, ah ben à ce moment-là, vous aurez le droit à un allègement. Il y aura un allègement dans votre vie sociale. Vous aurez le droit, en fait, de recouvrir une partie de votre vie sociale d'antan. Peut-être que vous irez à quelques concerts. Peut-être que vous pourrez aller au stade, voir un match. Etc. Bon, attention, hein, ça sera très encadré, hein, ça sera. Voilà. Mais voilà, c'est la récompense, c'est le sucre. C'est le sucre. Et c'est exactement comme ça qu'ils nous perçoivent. C'est un peu plus élaboré que les jeux du cirque à Rome. C'est un peu plus élaboré. Jusqu'à présent, on était grosso modo dans ce type de gestion des masses là. C'était voilà. On met du football, on met du sport. Voilà, on s'assure que les caddies soient pleins, et puis voilà, la plèbe va se tenir tranquille. Là, visiblement, ils anticipent des problèmes beaucoup plus durs. Donc, ils se disent, là, il faut quand même un peu plus durcir le ton. Donc, il faut une mécanique effort-récompense. Effort-récompense. Tout n'est pas acquis d'avance. Ta liberté n'est pas acquise d'avance. Enfin, ton illusion de liberté, plutôt. Ce n'est pas du tout acquis. C'est pas... Voilà. Non, il n'y a pas de liberté d'association a priori. Non, il faut la mériter. Pour la mériter, qu'est-ce que tu fais? Ah bah, tu prends le produit que M. Bourla, qui va à la synagogue effectivement tous les samedis, te propose. Voilà. Et tu le mets dans tes veines, et tu lui fais confiance, et tu le remercies. Et là, peut-être que tu pourras retourner au stade. Voilà, voilà exactement dans quoi on est actuellement. En plus, on parle de donner une part de pizza ou un café à des gens qui acceptent de se faire vacciner. Oui, ou des bières gratuites aussi. Ah oui, aux États-Unis, ils ont été assez loin, ils ont même fait une loterie. Genre, tu vois, tu te fais vacciner, t'as le droit à un ticket, et ensuite t'as une loterie, tu peux gagner quelques millions de dollars. Bon, c'est quand même étonnant, je veux dire. Ah, mais il y a des gogos qui vont foncer, hein. Mais un maximum, et ça coûte rien en plus, si tu fais vacciner 300 000 personnes, ça va être pour 2 millions de dollars, qu'est-ce que ça coûte à ces énormes laboratoires internationaux, ils s'en foutent, ils rigolent. Enfin, je sais pas si les gens voient pas ce qui se passe. Malheureusement, je crois qu'il y a une majorité des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Je connais pas le taux de vaccination en France. Je sais pas où on en est, à quel taux on est. Mais... On est à 20 millions depuis hier, mais Fulbert voulait dire quelque chose. Non, vas-y, hein, je prends pas toi. Non, bah 20 millions de gens qui ont reçu au moins une dose. Et bon, alors moi, je voudrais ensuite parler des incidents ou plus pire, des gens qui sont décédés peu de temps après les vaccinations. Mais je vous laisse peut-être dire d'autres choses avant. Oh non, vas-y, c'est intéressant ça. Oui, alors il y a plusieurs, par exemple, des personnels de santé hein, qui sont morts. Ah bon, d'abord, on remarque préalable dans cet entretien avec Hold Up, donc Pierre Barnérias qui a réalisé Hold Up, Luc Montagnier, le prix Nobel, dit aussi, enfin, il confirme, quand Barnérias lui pose la question, il semblerait qu'il y ait 10 000 morts de gens très peu de temps après le vaccin. Et Montagny confirme ce chiffre, il dit oui, vous avez probablement raison, c'est probablement 10 000, voire davantage. Et il existe un site qui s'appelle VAERS, donc c'est en anglais, mais c'est pour reporter les problèmes suite au vaccin. Mais d'après des gens qui ont pourtant contribué à l'élaborer, ce système n'enregistre que 1% environ des effets secondaires graves, voire des morts. Et la personne qui disait ça, le docteur allemand Klinger, disait par exemple qu'il avait voulu faire reporter le beau-père d'une de ses assistantes qui a eu un grave accident cérébral juste à 1 heure après le vaccin. Et ils ont dit, ouais, mais non, 1 heure, c'est trop tard. Il faut que ce soit juste après. Donc, ils n'ont pas voulu prendre en compte ce... Alors, lui, il dit, il y a à peu près 1% des effets secondaires réels qui sont reportés. Bon. Et malgré tout, on évoque 10 000 morts. Et bon, il y a des professionnels de santé, docteur Rose, Grégory Rose en Floride, 56 ans. Il y a aussi des médecins qui s'étaient moqués des complotistes. Ouais. Docteur Flanagan, 48 ans, un Rouquin, là, un Américain, vétéran de l'armée, c'est triste, hein, je ne vais pas me moquer de lui, mais il est décédé. Un docteur polonais, Rogiewicz, qui s'était ouais. moqué aussi des antivirus, qui est mort juste après. Bon, il y a aussi des jeunes gens, vraiment très jeunes, 18 ans, 20 ans, qui sont morts. Alors, très peu de temps après, on avait parlé d'Anthony Rio, interne en médecine de 26 ans à Nantes. Mais ce n'est pas un cas isolé. Hein. Les médias disent oui, mais il y a 4-5 thromboses en Europe, mais vous inquiétez pas, on gère. Non, non, ce n'est pas 4-5 thromboses. C'est beaucoup de gens qui sont très malades et qui meurent parfois 3 semaines après. Ils disent oui, mais vous savez, 3 semaines après, la personne avait 50 ans, elle avait été diabétique, c'est un hasard. Quoi. Donc, je pense que c'est plus qu'un hasard. Oui, c'est aussi pour ça que c'est un hasard qu'au moment de la. Cette grave crise sanitaire, le parrain du laboratoire d'où il est originaire était monsieur Yves Lévy, dont la femme, juive comme lui, sera ministre de la Santé au moment où la pandémie éclatera. Faites simplement un calcul de probabilité pour un truc comme ça. Je voulais revenir un petit peu en arrière sur ce que tu as dit tout à l'heure, Gandalf, quand tu as cité la marque Pfizer. Dans l'extrait que j'ai lu d'un article tout à l'heure, l'introduction se résume à ceci. Le patron de la firme Pfizer avait évoqué cette possibilité de point. Un booster pourrait être nécessaire dans les 6 mois ou l'année qui suit l'injection. La Task Force, ça c'est en Belgique la Task Force, hein, mais bon, la Task Force envisage donc pour fin 2021 ou début de mai 2022, et un peu plus loin, une refonte organisationnelle est aussi à l'étude. Ce qui veut dire finalement qu'ils ne nous foutront pas la paix, ils vont nous emmerder, nous piquer, nous faire chier jusqu'au bout. Je rappelle par ailleurs, on l'a dit et redit, mais qu'aucune des firmes qui ont mis ces vaccins sur le marché, si on peut dire, dans nos épaules, ne couvrira le moindre effet secondaire en justice. Hein. Autrement dit, ils sont hors de portée, il faut le rappeler. Ah, c'est un point capital. Ouais, c'est très important. Ouais. Oui, puis il y a aussi une chose, c'est-à-dire qu'on nous dit, oui, chaque firme a développé de son côté les vaccins, chaque vaccin est différent. Donc certains qui disent, ah oui, moi j'aimerais bien le Moderna, ou mais pas l'AstraZeneca, ou inversement, en fait, tout ça, c'est des conneries. Bon, parce que Patrick Joland, dont je parlais tout à l'heure, par exemple, a trouvé un des rapports concernant le vaccin Moderna, et a trouvé dans ce rapport une chose qui aurait dû être connue davantage, c'est que depuis 2019, existe un partenariat entre AstraZeneca, donc qui est l'antichambre de l'Institut Jenner de Londres, et Moderna. Moderna qui est dirigé par un Français milliardaire, qui était un matheux d'abord au départ, qui vient pas du milieu médical, bon, bref. Moderna est une entreprise dans laquelle a investi également Bill Gates, de même qu'il a investi dans AstraZeneca. Curieusement, BioNTech, alors on dit c'est des Turcs qui sont en Allemagne, mais en fait, le siège de BioNTech se trouve à Cambridge, non pas Cambridge aux États-Unis, non pas Cambridge en Angleterre, mais Cambridge aux États-Unis, dans l'État du Massachusetts. Curieusement, dans cette même ville de Cambridge, dans le Massachusetts, il y a aussi Moderna qui a son siège. Comme c'est curieux. Et vous savez, quand Pfizer a dit on a un vaccin, on dit d'abord on va faire avec Moderna, puis 2 semaines après ils ont changé, non on va faire avec BioNTech. Et après, d'un autre côté, on nous explique que ces vaccins sont différents. C'est une tambouille bizarroïde. Et d'ailleurs, il y a aussi un élément qu'on n'a pas cité tout à l'heure, les Seychelles, pays vacciné largement, à hauteur de 60%, a dû refermer ses activités, refermer les écoles et tout ça, malgré sa couverture vaccinale. Donc c'est sans fin. Il y a un point sur lequel vous avez, Fulbert est passé, c'est l'impunité dont bénéficient les cadres de l'OMS, et dont une, et pas des moindres, Agnès Buzyn. Macron a offert l'impunité à Agnès Buzyn en faisant une membre de l'OMS en Suisse. Par là même, elle bénéficie de la couverture diplomatique, ce qui fait que les autorités suisses ne peuvent même pas pénétrer dans les bâtiments de l'OMS en Suisse. C'est extraordinaire. Ils peuvent faire absolument toutes les manipulations qu'ils veulent là-dedans. Ils peuvent piloter tout. C'est incroyable. Et la police suisse ne peut pas y foutre son nez. D'accord ? Alors, je ne dis pas qu'il y avait une velléité au départ, hein, d'aller voir ce qui s'y passait, mais je veux dire, c'est même interdit par la loi. D'accord ? Donc, ces gens-là font ce qu'ils veulent. Quand Macron a envoyé un ticket, enfin, a offert à Buzyn la porte de sortie vers la Suisse, c'est pour évidemment ne pas être interrogé sur ce qui se passe, bien sûr, hein, sur toutes les mesures qui ont été prises, etc. Hein, c'est évident. Donc, si les gens ne se posent pas de questions, tu vois, je veux dire, quand tu parles de l'origine du virus, Wuhan, le laboratoire qui a été créé, co-créé par le mari d'Agnès Buzyn, bon, on te dit, t'as des juifs qui sortent du bois en hurlant à la manipulation, etc. Un an plus tard, tu vois, t'as le magazine Science qui dit, bah non, c'est une thèse très sérieuse, il faut l'étudier, etc. Ah bon, il n'y a pas de mea culpa. Entre-temps, Agnès Buzyn, bah, c'est miraculeux, elle est partie en Suisse, elle est diplomate de l'OMS, elle est montée en grade, elle a été tellement brillante, hein, et on ne peut pas lui poser de questions, on ne peut pas l'interroger, on ne peut pas savoir. Rien, pour des années et des années et des années, grâce à Macron, et personne ne se pose de questions. Les gens avalent stupidement ce qu'on leur dit. C'est un fait, hein. Moi, j'étais déjà pas démocrate au départ. Alors là, je sais pas ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, il y a 20 millions de goy qui ont été assez stupides pour se faire piquer, quand même. Rien qu'en France. Hein, mais... Voilà, je veux dire, d'un truc qui tue rien. Ça tue les octogénaires. Les gens sont stupides. Je veux dire, par exemple, prenez la Bretagne, notamment le cas du Finistère, c'est le département le moins touché de France. Il n'y a pratiquement pas de cas. Ils vont vacciner toute la population. Il n'y a pas de malades. Il n'y a pas de maladie. Vous comprenez, il n'y a pas de pandémie dans le Finistère, par exemple. Vous voyez, bon, pourquoi vous allez piquer toute la population là-bas? Et ce qui est marrant, c'est que pendant ce même temps, quand on s'alerte des cas de thrombose et des cas d'effets secondaires du vaccin, ouais, là, on va vous dire... Ouais, non, bon, c'est vrai, certes, il est mort une heure après, mais il avait du diabète, tu comprends? Ouais, ça, c'est le discours hyper rassurant, mais bon, non, mais pff, ouais, franchement... Après... Donc, des vieux de 90 ans qui meurent, c'est une urgence, c'est une catastrophe, mais un type qui meurt une heure après un vaccin, c'est pas grave. Bon, non, oh, c'est normal. Exagéré. Faut toujours remarquer ce deux poids de mesure, tu vois. Ouais. Ils ont des critères à géométrie très variable. Hein. C'est comme pour Israël tout à l'heure, tu vois. D'ailleurs, c'est un peu les mêmes gens, hein, si tu regardes. Sûrement une coïncidence. Je veux pas dire, mais il est très probable qu'Yves Lévy et qu'Agnès Buzyn aient deux passeports, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Seulement deux ? Oh non. Au moins deux, hein. Au moins deux. Hein. Plusieurs. Et je rappelle, hein, les propos d'Adolf Hitler, hein, qui avait décrit très bien l'État d'Israël. Il avait dit « ça ne sera jamais un État ». C'est le quartier général qui leur permet d'aller se planquer pour continuer à mener leurs escroqueries au niveau mondial. Hein. C'est ce qu'il avait dit. Hein. Il a dit « ça sera l'État d'Israël, ça ne sera jamais une nation ». C'est le quartier général des escrocs juifs internationaux. Point à la ligne, c'est tout. Tiens, j'ai vu que les premiers chiffres de vaccination en Belgique sont sortis. J'en ai retenu un parce que je suis dans le cas, mais sur les plus de 65 ans qui sont passés en priorité sous l'aiguille, 15% ne se sont pas fait vacciner. Et pourtant, croyez-moi, on ne peut pas dire qu'ils ont manqué de les appeler. Parce que personnellement, je suis dans le cas, j'ai reçu 3 courriers papier, un SMS de rappel et un courrier email. Ouais, donc ouais, il mobilise à fond. Il y a des réticences quand même, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Oui, puis on dit aussi que les gens, comment dire, quand ils sont. C'est la pub gouvernementale du gouvernement français. Donc faites-vous vacciner, vous protégez les autres et vous protégez vous-même. Bon, c'est. Alors qu'on sait que les gens qui ont été vaccinés contre la grippe, par exemple, émettent 6 fois plus de particules virales que les gens qui n'ont pas été vaccinés. Donc, dans le cadre du Covid-19, je pense que c'est, même si on dit que les vaccins, c'est bon, de l'ARN, que c'est des OGM et que c'est différent, il n'empêche que les gens vaccinés peuvent tout à fait retomber malades. C'est arrivé plusieurs fois, notamment à Benjamin Castaldi. Roselyne Bachelot, si ça lui est arrivé, elle a été hospitalisée après avoir été vaccinée. Donc ces gens-là ne sont pas protégés nécessairement. Ils peuvent transmettre comme les autres. Donc méfiez-vous, hein. Il ne suffit pas de vous-même de refuser le vaccin. Pas pour autant que... j'allais dire, c'est peut-être les personnes qui ont été vaccinées qui sont les plus dangereuses, finalement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur tout ça? Sur cette... sur passeport sanitaire hypothèse de quatrième vague et tout ce qui s'ensuit, ou un point en particulier qu'on n'aurait peut-être pas mentionné? Je crois que de toute façon, le prof de l'Institut Méditerranée l'a bien dit, prenez de la vitamine C, prenez du zinc, prenez de la vitamine D, le vaccin, ça sert absolument à rien. Donc voilà. Et sur ces bons conseils, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. Salut les gens. Bon, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.